disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 22. Je procède au rappel traditionnel de notre émission. Vous pouvez nous écrire à notre adresse email démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Je répète, démocratie participative en un seul mot, pas d'accent sur démocratie@protonmail.com. Vous pouvez également vous enregistrer, vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins à l'adresse suivante. EELB.SU, grâce au forum, vous pourrez réagir aux différents articles qui sont publiés sur le site de Démocratie Participative, dont l'adresse a changé, comme vous le savez, ou peut-être ne le savez pas, Démocratie Participative, là aussi en un seul mot, .quest, Q-U-E-S-T, Q-U-E-S-T. Si jamais il y a un changement d'adresse impromptu et que vous ne savez pas ou le retrouver, éventuellement ça pourrait arriver, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse que je vous ai donnée précédemment pour nous demander tout simplement la nouvelle URL du site internet. Donc inscrivez-vous sur Europe Écologie Les Brins, comme je l'ai dit, vous pouvez réagir aux émissions, participer aux différents sujets, il y en a de toutes sortes, de toute nature. Alors avant de continuer, je vais présenter les membres de la semaine. Je vais commencer tout de suite avec Fulbert. Salut Fulbert, j'espère que tu vas bien. Fulbert va bien, comme d'habitude, je te remercie. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Et Alexis nous fait le plaisir de nous rejoindre. Nous allons avoir pas mal de choses à discuter en matière de Covid, puisque là, on rentre dans la phase dure. Hein. On va le voir avec nos auditeurs. Salut Alex. Salut Gandalf, salut tout le monde. Est aussi avec nous cette semaine, comme toutes les semaines, Pierrot. Salut Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Et enfin, est avec nous aussi cette semaine, Porovic. Salut Poro, j'espère que tu vas bien. Poro. Salut Gandalf, salut tout le monde, salut le public. Alors messieurs, avant d'entamer l'émission en tant que telle, je tiens à remercier les donateurs qui nous soutiennent. Bien sûr, tous ceux qui nous soutiennent et qui restent anonymes, qui ne se manifestent pas auprès de nous. Vous le savez, vous pouvez nous soutenir si vous voulez contribuer à l'effort de guerre en nous faisant un petit don par crypto-monnaie, en utilisant Monero, crypto-monnaie qui garantit l'anonymat du donateur ainsi que le montant de la transaction. C'est très utile en cette période de surveillance généralisée. Hein, c'est la crypto-monnaie de l'anonymat. C'est une réelle valeur ajoutée. Apprenez à maîtriser ce genre d'outils, ça vous sera très utile, y compris éventuellement dans votre vie quotidienne. Il y a aussi la possibilité pour ceux qui nous font un don de se manifester pour que nous les remercions à l'antenne, c'est la moindre des choses. Alors là, on a S et L qui nous écrit ceci après nous avoir fait un don de 0,11 Monero. Bonjour à toute l'équipe, voici une maigre compensation pour le travail exceptionnel que vous fournissez pour notre cause. Ne lâchez rien, Sieg Heil! Merci à toi, S et L, et encore une fois, merci à tous ceux qui nous soutiennent depuis toutes ces années. Alors, commençons cette émission avec une rubrique numéro 1, courrier des lecteurs. Comme vous le savez, je suis très friand de témoignages, ça donne du relief à l'émission, Et ça permet aussi de partir du vécu de nos auditeurs. Toujours des choses à dire. Alors, comme vous le savez, comme nous sommes dans cette période, je le disais, hein, en introduction, de durcissement du covidisme, eh bien, on en voit les applications concrètes et les conséquences dans notre milieu social immédiat, et tout particulièrement dans les familles. Et là, nous avons un témoignage de Bradwurst, qui nous écrit ceci. Alors, mon père et sa femme sont l'incarnation parfaite du couple de boomers lambda. Elle, que je soupçonne être une fille de réfugiée espagnole, sans enfant et ne pouvant pas en avoir, directrice de région au sein d'une chaîne de vente de produits de luxe. Mon père, bonne patte, élevant son gamin de 10 ans d'un premier mariage, dont la première femme s'est barrée quand le gosse avait 4 ans parce que ses parents ne l'avaient jamais laissé faire de roller. Véridique. Donc, couple de divorcés de 66 ans chacun. La femme autoritaire, ayant lobotomisé son adorable mari trop gentil. Avec un seul enfant, moi, qui ne l'ai jamais appelé maman, et qui, de toute façon, est devenu nazi. En effet, nous sommes certes en froid, parce que j'ai eu l'inconséquence de confirmer à l'Espagnol rouge « Eh non, mais tu ne vas quand même pas nous dire qu'Hitler, c'était un gars bien !» Donc apparemment, lui, il a dit « si, si, c'est un chic type. » Mais toujours en bonne relation, puisqu'on a en y a tout de même passé une semaine l'année dernière, début septembre, avec les Basques. Ils avaient loué un studio, eux vivant dans un F2 en bord de mer, pour leur petit-fils, mon fils de 4 ans, et moi. Après, nous avons eu quelques mots, il est vrai, mais bon, c'est une autre histoire, et mon père m'a dit qu'on se verrait aux anniversaires, alors soit. Victime du pass sanitaire mental. Oui, alors c'était le titre, en fait, de son courrier, le pass sanitaire mental, le passeport sanitaire mental. Je voulais donc être là, avec son petit-fils de 5 ans, pour l'anniversaire de mon père, mi-juillet. Eh bien, non. Je ne suis pas vacciné et eux ne fréquentent que des vaccinés. Le pass sanitaire mental est déjà déployé. La frontière est déjà effective. C'est un distinguo con-citoyen conspirationniste. Merci encore pour ce que vous faites. Je vais essayer de contribuer bientôt. Promis, salut à la victoire. Donc ça, c'est Bradwurst qui nous donne donc une anecdote très intéressante et générationnelle d'ailleurs. Alors, qui veut prendre la parole là-dessus? Est-ce que par hasard, vous vous reconnaissez là-dedans, en tout ou partie. Est-ce que vous pouvez nous réagir là-dessus? On n'est pas loin de la secte. Hein. Là, c'est l'asile. Hein. Donc, les gens ne fréquentent que d'autres vaccinés. C'est de la folie. C'est de la folie. Je crois que les médias ont bien réussi leur coup à force de rendre les gens cinglés. Bah ouais, effectivement, ça fait peur. Hein. Ça fait vraiment peur, surtout la propre famille. Mais il faut comprendre un peu l'univers mental du boomer. C'est un des boomers en question. C'est des gens, ils ne croient à rien, et donc ils ont un objectif, c'est vivre le plus longtemps possible, et le mieux possible, et c'est tout. Voilà. Donc il faut absolument atteindre les 80-90 ans, profiter à mort, en fait c'est leur mantra, c'est ça. Et donc bah, ils voient les autres finalement uniquement comme des menaces qui pourraient leur enlever leur petit confort. Quoi. Mmh. Déplorable. Hein. Oui, bon, on se recontextualise évidemment. Il y a un tel déferlement médiatique, un tel travail d'intimidation de la population en leur disant attention, c'est hyper dangereux, vous allez mourir, etc. Et que les populations plus âgées, en tout cas pour une partie d'entre elles, ont vraiment très très peur. Et ça crée cette. Mais ça, c'est voulu parce que de toute façon, c'est même le principe du pass sanitaire. C'est-à-dire que le passeport sanitaire, celui qui l'a, a accès à une vie sociale que ceux qui ne le possèdent pas ne peuvent avoir. Donc on est bien en train de créer un système où il y a vraiment deux catégories de population, avec à terme l'idée quand même de la part du système de réduire à peau de chagrin les gens qui refusent de rentrer dans ce nouveau système, en fait, hein, de contrôle total, etc. Donc c'est censé être un état transitoire. Mais on est déjà sur un principe de ségrégationniste. Ça, c'est acté, quoi. C'est acté depuis quelques jours avec l'entrée en vigueur du pass sanitaire. on y est. C'est-à-dire que voilà, il y a des gens qui peuvent avoir une vie sociale et d'autres qui ne peuvent pas. Voilà. Ça c'est bon. Et alors là, là, c'est autre chose, c'est un petit peu différent, puisque j'aime bien l'expression utilisée par l'auditeur, c'est le pass sanitaire mental, c'est-à-dire que là, c'est pas institutionnel, mais c'est carrément au sein des familles. Vous avez des parents qui disent non, mais nous, on veut pas vous voir. Hein. On veut pas vous voir. Ah, imagine la mentalité quand même, quoi. J'ai pas envie de voir mon fils, j'ai pas envie de voir mon petit-fils, de peur de mourir. Peut-être à 66 ans. T'as quand même vécu, je veux dire. Moi, ma retraite, quand même pas hypothéquer tout ça pour voir mon petit-fils, quand même. Faut pas... Puis c'est pas du cyanure, le Covid, hein. C'est pas un truc de 100%, hein. Mais en plus, ils sont vaccinés, ils sont censés être, c'est censé être les protéger, tu vois. Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, oui. Mais qui se rassurent, hein, leur petit-fils de 5 ans fera bientôt partie des personnes éligibles à la vaccination, à en croire le PDG de Moderna, Bancel, un Français, entre guillemets, hein, c'est peut-être un petit peu louche, comme bon. Mais il a dit que oui, il y avait des tests et que peut-être bientôt à l'automne, les enfants à partir de 6 mois seraient éligibles à la vaccination Covid-19, de 6 à 6 mois à 11 ans. Alors ça, c'est terrifiant. On va revenir hein, sur les implications de la vaccination en elle-même. On a eu des nouveaux chiffres cette semaine publiés. C'est tout à fait surréel. Mais voilà. Qui d'autre veut réagir là-dessus sur cette auto-ségrégation oui. Des parents qui vous disent non, mais en fait, non, on ne veut pas te... Non. Je crois que ça va un peu diviser la France et puis les différents pays en deux, en fait. Hein. Avec les covidistes d'un côté et puis les anti-covidistes de l'autre. Hein. C'est bien, ça va faire le tri. Ça va faire le tri entre les gens qui ont envie de vivre et puis les gens qui ont vendu leur cerveau à l'État, en fait. Donc, bon, c'est un moment, une sorte de moment de kéros, de moment de révélation. On va voir qui est dans les pertes. Et qui est encore à peu près sain quoi, dans sa tête. Ça me rappelle un peu l'affaire Dreyfus, là. Hein. Les anti-Dreyfusards et les anti-virusards, les virusards et les anti-virusards, tu vois. Ouais, c'est ça. Les covidistes et puis les covidios et puis les covido-sceptiques. Non, mais c'est hallucinant, je veux dire. J'ai pas envie de voir mon petit-fils ni mon fils parce que quand même, tu comprends, je risque d'attraper la grippe, quoi. Alors que ils sont vaccinés, probablement survaccinés, ils ont déjà dû prendre leur double dose. J'imagine qu'ils attendent la troisième avec impatience, tu vois. C'est non, mais ça craint, quoi. Vas-y, Fulbert. C'est un cas relativement commun parce que je connais quelqu'un dans mon environnement qui est un monsieur d'un certain âge, qui est un boomer comme moi. Et qui est un résistant. Il ne voulait absolument pas de vaccin. Et bon, le masque, il le portait en magasin parce que pour éviter les disputes avec d'autres clients, voire avec les employés. Mais il a fini par se laisser convaincre parce que sa propre fille l'a agressé en lui disant « Et mon fils, tu penses à mon fils, ton petit-fils ?» C'est un peu le même cas que ce qui a été décrit ici par notre correspondant. Le type a fini par se faire vacciner. En fait, il rendait service à sa fille en gardant, lui et sa femme, le petit-fils lorsque celle-ci ne savait pas le garder, c'est-à-dire pratiquement tout le temps. Alors, en journée, du moins, pendant que la fille travaille. Eh bien, le type a fini par se faire vacciner pour ne pas faire dérailler l'arrangement qui avait été pris entre lui et sa femme, d'une part, et la fille et son mari, d'autre part, donc le beau-fils. Tout ça pour garder le petit-fils. Oui, donc c'est le cas inverse, c'est le cas inverse, quoi. Là, c'est la fille qui a fait pression sur... Ouais. C'est ça. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se plaignent depuis maintenant des décennies que le système a véritablement attaqué les familles, détruit les familles, aidé à détruire les familles. Et en réalité, on s'aperçoit ici, avec le Covid, ben que cet effort-là n'est pas encore arrêté. Il va encore plus loin. Oui, puis il y a la question de la confiance que l'on a. Alors, soit on a confiance dans les autorités médicales, gouvernementales et autres, soit on n'a pas confiance. Mais du côté des boomers, alors, c'est pas forcément pour les excuser, mais en discutant avec un boomer, ça m'est apparu comme une explication un petit peu, parce que lui me disait, ouais, mais tu sais que moi, quand je suis né, fin des années 40, après, dans mon enfance, années 50, 60, on vivait modestement. Et grâce aux décisions prises par les différents gouvernements, grosso modo, bah, aujourd'hui, on a un excellent standard de vie. Bon, ce standard de vie est acheté à coup de crédit, à coup de dette incroyable, mais effectivement, on peut leur accorder qu'aujourd'hui, on vit mieux que, d'une certaine manière, que, il y a 50 ans ou 60 ans. Donc, ça me paraît être un truc assez important dans l'explication du phénomène mental boomer. Voilà, l'espérance de vie et les conditions de vie effectivement augmenté depuis la Seconde Guerre mondiale, on va dire. Maintenant, moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que la génération des boomers, on va dire la génération de mes parents, en gros, aura forcément une meilleure espérance de vie que ma génération et la génération de mes enfants. Il y a tellement de trucs qui nous mettent sur le coin de la tête. Parce que on est souvent en train de décrier le désastre écologique et la manipulation qu'il y a derrière. Par contre, parce qu'en fait, on essaie toujours de lier l'activité que vous, Français, vous avez directement sur l'environnement, et à la fin, finalement, la seule solution, c'est faut payer, faut faire des chèques, d'accord ? Donc ça, c'est la manipulation. Mais il y a un vrai désastre écologique qui nous entoure. Qualité de l'alimentation, la qualité de vie, la précarité de l'emploi. Je ne parle même pas de la question raciale qui va foutre un gros coup de pied dans la fourmilière par rapport à tout ça. Personnellement, la qualité de l'alimentation, je crois que c'est absolument abominable. Si vous comparez le nombre de sucre et de graisse qu'il y a quasiment dans tous les aliments, je peux vous en parler parce que lorsque j'ai voulu perdre un peu de poids il y a à peu près un an et demi, j'ai pas grand chose à perdre, etc. Je me suis dit, allez, je vais me faire un petit programme alimentation saine, sport, truc classique, quoi. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a peut-être moyen de passer un peu moins de temps dans la cuisine en achetant parfois des trucs, pas des produits transformés, mais en tout cas éviter à chaque fois de prendre des légumes, uniquement des légumes, et puis pour gagner du temps, quoi. En fait, il n'y a pas moyen. Je me souviens d'un épisode absolument effarant où j'étais dans un grand centre commercial, un grand supermarché, puis il y avait tout un étal absolument énorme de soupes tout à fait différentes. Je me suis dit, dans ce truc-là, je vais peut-être bien pouvoir trouver 2-3 produits, finalement, où il n'y aura pas des sucres ajoutés. En fait, non, j'ai rien trouvé. J'avais un choix absolument exceptionnel. Je n'ai pas pu trouver un seul produit. Où, en fait, quand tu regardes de la boîte, tu te dis, mais attends, mais si je prends ça, mais dans 10 ans, c'est le cancer assuré, quoi. Ouais, je crois que le pire, c'est même pas les graisses partout, c'est le sucre partout. Donc, si vous ajoutez à ça la qualité de l'air absolument insupportable, même nous, nos conditions de vie, et puis les mauvaises habitudes qu'on a prises, je pense vraiment qu'on vit de plus en plus mal. Oui. Effectivement, moi je suis d'accord, il ne faut absolument pas dédouaner les boomers. C'est vrai qu'il y a une amélioration de la qualité de vie, mais une amélioration de la qualité de vie pour les boomers. Parce que pour les enfants, ce n'est pas du tout le cas. Je ne pense pas que le fait de se retrouver dans un système de chômage de masse, c'est une amélioration. Je ne pense pas que de se retrouver à vivre seul au RSA, c'était mieux que ce qui se passait dans les années 50, voyez, où au moins tu restais vivre chez tes parents, si vraiment tu étais le dernier des idiots, parce qu'évidemment tout le monde trouvait du travail, mais au moins tu ne vivais pas tout seul dans ta solitude, dans ta misère, avec une pension ridicule. Je ne pense pas que l'espérance de vie, effectivement, Pierrot en a parlé, sera la même pour les boomers et leurs enfants. À mon avis, leurs enfants vivront beaucoup moins vieux. Il y a beaucoup de choses comme ça, en vérité, pour les enfants qui vont se dégrader très très vite. Donc, une amélioration de la qualité de vie toute relative, en vérité, à crédit, sur le dos des gosses. C'est vrai qu'Alexis vient de mettre un petit point à part qui est très intéressant aussi, c'est le fait que le français moyen bouge de moins en moins. Mais, enfin, moi le premier, hein, je blâme personne, c'est aussi l'autodiscipline qu'il faut avoir. Mais la tertiarisation des emplois a fait qu'on a pris de très mauvaises habitudes. Ça, c'est terrible aussi pour la santé. Hein. Il y a quelque chose d'assez amusant, je trouve, dans ce qui a été dit par notre correspondant. C'est que cette histoire de Covid, il y a un aspect religieux là-dedans. On y croit ou on n'y croit pas. On est covidio ou on est hérétique. Et je me souviens, quelqu'un avait dit, je ne sais plus très bien qui c'est, je me demande si ce n'est pas Malraux qui avait dit « Le 21e siècle sera religieux, ne sera pas ». Eh bien, je me disais que le type s'était trompé. Parce que la religion, évidemment, a de moins en moins d'impact, sauf sur la présence de populations musulmanes. Mais d'un autre côté, il y a cet aspect du Covid, je viens de le dire, mais il y a aussi l'aspect de la religion, de l'antiracisme. En fait, oui, le 21e siècle sera religieux, mais religieux sur des, non pas sur des religions où les dogmes seront laïcs, ils seront régimiques, tout ce que vous voulez, mais vous voyez ce que je veux dire ? Il y a un aspect religieux qui n'est pas lié aux religions. Oui, c'est une nouvelle forme de religiosité. En fait, elles ont toujours la même racine, c'est la racine égalitariste. Donc le mythe fondamental de l'égalité, de la fusion dans le grand tout, hein, de vibrer au même rythme, au même moment. Ça, on est vraiment sur quelque chose d'assez tribal d'ailleurs, ou d'assez primitif, qu'on retrouve. Alors ça, c'est beaucoup plus intellectuel avec la religion de l'Holocauste. Hein, c'est généralement scénarisé, c'est des cérémonies. Généralement aussi, ça implique les institutions, donc c'est toujours très codifié. Mais avec l'affaire Floyd, sur laquelle on ne va pas revenir ici, mais on a vu ça, on en parlait d'ailleurs un petit peu avec Porovitch, on a vu véritablement des manifestations de religiosité. Quand vous voyez l'endroit où est mort George Floyd, quelques semaines ou mois après la mort, des organisations protestantes s'étaient établies sur place. Alors c'était bizarre parce que c'était des organisations protestantes mais aussi antiracistes, donc ça mélangeait en fait la théologie chrétienne et le message antiraciste, donc c'était une espèce de syncrétisme un peu étrange, et on voyait des gens qui venaient, beaucoup de femmes d'ailleurs, des jeunes femmes qui se convertissaient, hein, littéralement. Hein. Et, il y avait des baptêmes qui étaient organisés. Oui, il y a ça, et récemment, Porovitch m'a dit qu'on assiste aussi sur place, donc toujours dans le même endroit, des guérisons miraculeuses. Et en fait, on est, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la... Alors, sans faire de parallèle exactement symétrique, on peut quand même établir un lien entre ça et les marques de religiosité au Moyen-Âge. C'est-à-dire que quand il y avait un saint, quand un saint était réputé tel, on avait très souvent, quand on montrait les reliques du saint, on avait de véritables émeutes parfois. C'est-à-dire que le peuple se précipitait pour toucher les reliques du saint et espérer guérir, donc vraiment des marques de religiosité intenses, très primitives, vraiment primitives hein, pour le coup. Et d'ailleurs, le clergé devait souvent contenir à grand mal la population pour qu'elle se contienne. Et je suis frappé de voir que très naturellement, ça se reforme. Donc on a quelque chose d'assez permanent. Et donc, quand on parle de religiosité, d'accès, de fièvre religieuse, je crois que c'est juste. Et j'ai presque envie de dire, ça va passer par toute une série de choses. Et c'est d'autant plus intéressant que quand on doute, intéressant ça, quand on fait preuve de scepticisme, hein, on pourrait dire quand on a un esprit critique en fait, on a un esprit critique, on garde notre distance, on refuse d'entrer dans le délire collectif, on va dire, vous êtes accusé de complotisme. Très très très intéressant ça. Si le narratif vous paraît suspect, que vous refusez d'entrer dans ce narratif, et que vous dites « Non, non, mais moi, ça, moi, j'y adhère pas, j'y crois pas du tout. Je pense qu'il y a des faits que le public ne connaît pas, etc. » Mais vous êtes complotiste, tu vois. C'est très intéressant de le voir. Et on est dans une phase d'excitation populaire et tout ça est évidemment encouragé par les médias, hein, que ce soit l'affaire Floyd, où on a vu ces trucs incroyables. Il y a des scènes, rappelez-vous, hein, des manifestations de masse, notamment aux Pays-Bas, des femmes blanches par dizaines de milliers, complètement hystériques, se rassemblant pour dénoncer le racisme suite à une affaire qui se déroulait aux États-Unis. Donc il y a aussi un phénomène d'acculturation complet. Qui sait, bientôt une femme fécondée par l'esprit de George Floyd. Hein. Oui, à mon avis, il n'y aura pas que l'esprit qui sera responsable de ça. Mais je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé au match Irlande-Hongrie à Budapest. La sélection hongroise a refusé de s'agenouiller pour ce truc ridicule par rapport à George Floyd. Bon, espèce de... Franchement, c'est une histoire de nègre américain aux États-Unis. On n'est pas du tout concerné en Europe. Donc il y a un phénomène d'acculturation, c'est ce que je disais. Donc les Hongrois disent, mais qu'est-ce que ça vient faire là ? Deuxièmement, c'est quoi cette espèce d'injonction à se prosterner devant un truc qui se passe outre-Atlantique ? Il faut un peu de respect. Vous prenez en otage, en fait, vous détournez le match entre deux sélections nationales. Chez nous, vous le détournez de son objet, qui est une rencontre sportive, pour porter un message politique qui, en plus, est abscon et complètement décalé par rapport à notre réalité sociale, à nous, Hongrois. Et on a vu les responsables de la fédération irlandaise, à commencer par le sélectionnaire, feindre la surprise en disant « mais comment, je ne comprends pas », etc. Et les Russes, le public a sifflé d'ailleurs la sélection irlandaise qui s'est lamentablement agenouillée devant l'acteur porno mort d'overdose Floyd, et rebelote avec une autre sélection face à la Russie. Et vous voyez que, il faut regarder le traitement médiatique, c'est-à-dire que quand un peuple, parce que ça vient du peuple, hein, c'est pas les autorités politiques, hein, c'est vraiment le public qui siffle. Et quand un peuple refuse cette religion occidentale, composite d'ailleurs, parce qu'un coup ça va être la religion de l'Holocauste, un autre ça va être le nègre Floyd, un autre coup ça va être le covidisme, voilà. Quand vous refusez, tout d'un coup vous voyez la presse occidentale cracher son venin, quoi. C'est l'AFP, Reuters, Le Monde, France 24, enfin ils y vont tous, quoi, et toujours les mêmes accusations, quoi. Toujours prêts à cracher leur venin. Ouais. Ce fut le même cas hier dans le match Russie-Belgique, hein, exactement pareil, ce qui me laisse croire, en tout cas penser, que toutes les équipes des nations d'Europe occidentale ont été prises en main, les fédérations et compagnies sont complices, et toutes mettront le genou en terre, j'en suis presque certain. Je tiens le pari. Les Anglais ont annoncé qu'ils poseraient le genou à terre pour tous les matchs de l'Euro auxquels ils participeraient. Je ne sais pas si les Français le feront, parce qu'en fait, ils sont déjà nègres, donc ça, oui, voilà. Dans soi-même, ça n'a pas de sens. Voilà, c'est ça, c'est les Blancs qui doivent s'agenouiller. Mais Ouais, il y a un match... Petite chose, il y a un match Pays-Bas-Ukraine, là, je pense... Enfin, les Pays-Bas vont s'agenouiller, je pense, mais l'Ukraine sera intéressant de voir si oui ou non ils le feront. D'ailleurs, par ailleurs, ils ont, semble-t-il, une bonne équipe. Bah, la France... Je voudrais revenir sur la religiosité. Il faut comprendre que... Traditionnellement, les religions, ce qu'on appelle proprement les religions classiques, quand elles sont nées, le prêtre, c'était aussi le clerc. Donc c'était la personne qui avait le savoir scientifique, c'était l'avocat, le notaire, c'était tout ça à la fois. Aujourd'hui, ben, ils se sont fait dépasser et ils n'ont plus qu'un rôle très symbolique. Et maintenant, on a des avocats, on a des journalistes, on a des scientifiques, et ces gens-là ne prêchent pas une religion, ils prêchent une idéologie qui n'a rien à voir. L'idéologie a remplacé la religion. Il ne faut pas s'étonner de voir des protestants débarquer sur l'endroit où Floyd a été arrêté pour faire des messes. C'est normal, parce que les gens, tous ces gens-là, même quand ils sont religieux, en vérité, c'est pas la religion qui les détermine. Leur surmoi, c'est le même que tout le monde. C'est celui des journalistes, c'est celui des profs, etc. Donc, c'est pas étonnant qu'on retrouve un amalgame comme ça avec l'antiracisme. Parce qu'au fond, la religion, c'est devenu un truc très superficiel. Tu veux dire, la religion canal historique, c'est ça que tu veux dire, quoi, la religion ancienne formule, quoi. Tu dis que ça, c'est... Oui, oui, voilà. Ils se sont fait dépasser. Ils ont été dépossédés de leur pouvoir quand ils ont arrêté, par exemple, d'enseigner aux gosses. On a créé des fonctions laïques. Et maintenant, c'est ce système laïque qui, en vérité, a l'emprise, joue réellement le rôle des religions. Ensemble ? Oui. Non, pardon, je crois que tu as fini de parler. Ce que je veux dire, c'est que les religions aujourd'hui ont été dépossédées de leur pouvoir. Ce n'est plus qu'une coquille vide. En somme, au XXIe siècle, les dogmes politiques ont remplacé les dogmes religieux qui avaient encore cours au début du siècle précédent. Oui, merci, c'est oui, clairement ça. Oui, puis on dit par ailleurs que c'est la science qui a brisé la religion, ce qui peut être en partie vrai, en partie faux, je rentre même pas dans le débat, mais là on a une nouvelle formule, le covidisme, qui se fonde sur la science, donc qui se réclame lui-même du savoir et qui donne une explication presque totale du monde, en tout cas qui touche à toutes les parties de notre vie, notre droit de se déplacer, de travailler, de faire les courses avec le masque ou pas, etc. Donc il y a un côté vraiment totalitaire, que ce qu'avait auparavant, comme tu le disais tout à l'heure pour eux, la figure du prêtre qui à la fois enseignait, était le savant, etc. Oui. Non, les religions, les vraies religions aujourd'hui, celles qui contrôlent l'esprit des gens, c'est les médias, c'est toutes ces broles. Oui, ce qu'on voit aujourd'hui se manifester en Occident, d'abord c'est donc il y a l'autorité, ce que c'est la dichotomie, auctoritas potentas, on est là-dessus. Sauf qu'il y a une fusion aujourd'hui, on le voit, hein, du pouvoir politique et de ce qui est censé déterminer le moral, l'éthique, ce qui détermine la vision du monde. Tout ça est très confus au fond, et ce qu'on peut observer, c'est à quel point il y a une véritable velléité aujourd'hui dans le monde occidental de s'ingérer dans la vie des gens et d'administrer la vie des gens pour les rendre conformes aux dogmes de cette couche dirigeante et des représentations qu'elle promeut. Et par le biais sanitaire, on voit qu'on rentre dans la phase opérative. Vous voyez, c'est composite, hein, c'est composite, mais on voit que grâce au sanitaire, ça va être les mouvements de population, ça va être les occasions de rassemblement. Vous savez que les systèmes religieux, par définition, déterminent les moments sociaux, hein, notamment les fêtes. Bien, c'est ce qu'on nous dit. On nous dit, voilà, on ne peut pas se rassembler n'importe quand. Hein, il faut avoir une autorisation. Donc, il y a une espèce de reprise en main de la société. On ne laisse pas la société s'organiser par elle-même, organiquement. On la reprend en main. On va dire, voilà, là, vous pouvez vous rassembler. Là, vous ne pouvez pas. Là, vous pouvez vous déplacer. Là, vous ne pouvez pas, etc. Le discours aussi est de plus en plus contrôlé par... ce système et cette caste dominante au nom justement de cette espèce d'idéologie, d'ailleurs assez floue, hein, cette espèce d'égalitarisme mou, d'écologisme absolu mais très mouvant, mais on nous explique toujours en dernière analyse que ce soit dans le sanitaire, que ce soit dans l'écologique, que ce soit dans le racial, on arrive toujours avec toute une série d'interdictions et de prise en main. Donc dans le discours, c'est très clair. La dernière tentative, c'est la loi Avia, mais il y a déjà des choses qui sont en place. On le voit avec les GAFA. On dit non, là, vous pouvez dire ça, vous pouvez pas dire ça. Avec le Covid, ça se chevauche d'ailleurs. Non, vous ne pouvez pas avoir de vision critique de ce qui est dit, etc. Au nom de la science, c'est très drôle, c'est qu'en fait, on nous dit au nom de la science, il ne peut pas y avoir de débat scientifique, par exemple. Voilà, vous ne pouvez pas être un scientifique, même un docteur reconnu, hein, avec des diplômes, etc., avoir une vision alternative de la situation sanitaire en disant, voilà, non, là, j'exprime un désaccord. Non, vous êtes chassé de YouTube, vous êtes chassé de Twitter, vous êtes chassé de Facebook. On vous accuse de mentir, n'est-ce pas? Alors que vous faites simplement un travail critique, si vous êtes un scientifique et vous avez une vision alternative. On dit, non, vous mentez. Et en fait, ça a commencé avec l'antiracisme en tant que tel, hein, où on chassait de ces mêmes plateformes, d'ailleurs, où on poursuivait en justice les gens qui, en fait, remettaient en cause la pertinence du mythe de l'égalité raciale, en gros, hein, ou de la pertinence de la société multiculturelle. Bon, ils sont encore traînés en justice, mais le principe s'étend. C'est-à-dire que maintenant, il y a toute une série de choses que vous ne pouvez pas contester. Et si vous suivez un petit peu ce qui se passe au niveau de l'écologisme, ou du pseudo-écologisme, ou du millénarisme écologique, parce qu'il y a le millénarisme covidiste, et puis il y a le millénarisme covidiste aussi. On nous dit, voilà, c'est l'apocalypse climatique, on va tous crever dans 50 ans. Et vous avez peut-être suivi ça, mais il y a Pompili au ministère de l'écologie qui veut mettre en place le principe dans la loi de l'écocide, évidemment, qui est une réminiscence du génocide, hein, qui renvoie à la, comment dirais-je, au... À l'indicible. À l'indicible, voilà, dont on parle tout le temps, pareil. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a quand même une... voilà, il y a une très nette reprise en main de la société, des interdits de plus en plus nombreux et envahissants. Et maintenant, ça s'ingère, et pour revenir au courrier de notre auditeur, ça s'ingère maintenant dans la vie des familles. Oui, et puis la religion touche à la question du bien et du mal, ce qui est bien logique, mais là, le Covid aussi prétend à viser à la question du bien et du mal, et souvent on dit oui, il faudrait atteindre zéro Covid, zéro cas Covid, zéro mort Covid, c'est important. On cherche à éliminer donc toute opinion contraire, comme tu viens de le rappeler. On cherche à éliminer les brebis galeuses, les moutons noirs, et on cherche à éliminer le mal, on prétend... éradiquer le mal que serait le Covid, quoi. Mais c'est la porte ouverte à tous les totalitarismes. C'est pareil dans l'Ancien Testament, le mal était incarné par tel peuple qui refusait de lire. Non, ils ont été éradiqués parce qu'ils lisaient différemment des Hébreux, les Jébusites par exemple. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment le caractère intrusif du système. C'est-à-dire que le système veut vraiment administrer la vie des gens au quotidien. Jusqu'à une date pas si récente, c'était encore limité à ce qui était dit en public. Maintenant, c'est ce que les gens font. C'est quand même... on est sur autre chose, quoi. Alors, messieurs, je vous propose de passer au courrier numéro 2. Il est assez court, mais il fait écho. Bonjour à toute l'équipe de DP. Je vous propose un court témoignage qui fera le lien entre deux sujets que vous avez traités la semaine dernière. D'une part, la féminisation-hystérisation de notre société, et d'autre part, la vaccination-empoisonnement de la masse attardée. En effet, j'ai pu observer dans mon entourage proche, collègues et voisins par exemple, une bonne demi-douzaine de cas similaires. Il s'agit de couples de différentes classes sociales, au sein desquelles l'injonction vaccinale vient de Madame. Et oui, figurez-vous, que ces connasses ne conçoivent pas de continuer à vivre sans les sorties au restaurant et les vacances à se dorer le cul sur une plage de sable fin. Même si au départ monsieur faisait valoir un raisonnement prudent, et si ce serait très probablement tenu sans problème, l'hystérie et le chantage au divorce auront eu raison de sa logique. Je terminerai en disant que je partage totalement le point de vue de Gandalf sur la sélection par la bêtise abyssale de nos concitoyens, que les plus intelligents survivent. Je nuancerai simplement en évoquant la méfiance instinctive des nouveaux Français qui n'iront pas se faire injecter ce produit mortel, malheureusement. Encore bravo pour votre travail, continuez comme ça. Vous êtes formidables, et c'est Fredo qui nous dit ça. Alors oui, une dimension un petit peu... c'est vrai que c'est un petit peu trivial, mais ça fait partie justement de ces moyens de pression qu'a entre les mains le système, c'est dire oui, en fait, les femmes veulent sortir. Les femmes veulent aller au resto, elles veulent aller en boîte de nuit, elles veulent sortir avec les copines, elles veulent traîner leur mec aussi en sortie, donc ça veut dire que le mec, il va falloir qu'il se vaccine. C'est clair. Je ne sais pas combien de couples se sont retrouvés dans cette situation, je pense qu'il y en a quand même énormément. où le gars était là, ouais, non, mais ça me dit pas trop ce truc et tout. En tout cas, sans être un anti-vax, en tout cas clairement sceptique, quoi. Wait and see, attendons un peu. Et qui finalement, madame ayant crisé, menacé de claquer la porte, bon, bah, le type, il a fait le canard et il a suivi, quoi. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a des applications de rencontres, d'ailleurs, au Royaume-Uni, je crois, maintenant, où on fait le distinguo entre personnes vaccinées et non vaccinées. Alors, j'aime bien les brunes, les grandes, les machins, mais alors, pas vaccinées ou inversement, enfin, bon, ça devient un critère. Tinder réfléchit à une solution quasiment équivalente, ouais. Où tu pourras même pas, en fait, t'inscrire sur la plateforme si jamais tu peux pas prouver que t'as pas un truc de vaccin, quoi. Bah, ça, prenez une plateforme comme Tinder, qui est, je crois, extrêmement populaire. Si demain, cette plateforme décide d'interdire à ceux qui ne sont pas vaccinés de l'utiliser, bah, vous vous retrouvez dans ce qu'on disait un petit peu avant. C'était, de fait, c'est une ségrégation. Et ça génère du stress. Imaginez, vous interdisez à des hommes qui veulent courtiser des femmes, n'est-ce pas? Et vous leur dites, non, pas toi. T'as pas été vacciné. Là, le gars se retrouve face à un dilemme. C'est-à-dire, j'ai pas accès aux femmes, symboliquement à tout le moins, parce que c'est pas parce que vous inscrivez sur Tinder que vous allez avoir du succès, bien sûr. Mais voilà, a priori, vous interdit l'accès aux femmes parce que vous n'êtes pas vacciné. Je sais pas si vous imaginez les conséquences psychologiques. Enfin, c'est évident que on est en train de rentrer dans un paradigme où on va générer. On brutalise psychologiquement les gens, quoi. C'est ça que je veux dire. Alors, j'ai pas de cas comme ça. Enfin, j'ai pas eu connaissance de cas comme ça, pour le coup. Hein. Mais bon, Fulbert nous a cité par exemple un autre exemple. Il nous a dit, voilà, il y a une dame qui a fait pression sur son père. Voilà, donc là, c'était pas dans un couple. Mais bon, voilà. C'est en tout cas, c'est un témoignage intéressant de voir qu'effectivement, bah oui, les filles veulent sortir, forcément. Ça, c'est le côté superficiel. Regardez. On avait dit ça un peu avec le concert d'Indochine. Quand vous voyez 5000 zombies qui se précipitent pour écouter le juif Sirkis chanter pendant une heure et demie, je veux dire, ils sont là, génial, on a gagné la loterie, etc. Enfin, c'est effrayant, je veux dire, comme type de société, quoi. Je l'ai dit à plusieurs reprises, bon, je me répète, et pour faire passer le message, il faut se répéter, mais c'est de la domestication pure. C'est de la domestication pure, voilà, t'as une gratification à chaque fois que tu cèdes, voilà, tu cèdes, t'as une gratification. Mais en la personne de la gente féminine, c'est vrai que le système a un avocat de premier ordre pour convaincre des tas de mecs de suivre. Il y a beaucoup de mecs qui sont faibles avec les femmes. Il y a beaucoup de mecs qui sont faibles avec les femmes, c'est-à-dire la nana pousse un peu et le mec il capitule. Ça... On pourrait conseiller, c'est de dire à votre copine ou autre, de, bah, très bien, tu veux que te faire vacciner, bah, disons, regarde ce qu'en pense par exemple Alexandra Orianco, la généticienne, qui est très méfiante sur les questions, sur cette question en tout cas vaccinale cette année du Covid-19, parce que souvent il y a le phénomène d'identification, c'est-à-dire que si ça vient d'une femme, experte en l'occurrence, ça passera peut-être mieux. Alors, courrier numéro 3. Et on en terminera avec la rubrique numéro 1, donc du courrier des lecteurs. Un peu différent là. C'est une femme qui nous écrit. C'est une jeune femme. Alors, cela fait maintenant un an que je vous écoute avec attention et que j'ai voué ma vie au national-socialisme. C'est très bien, dis-moi. C'est toujours un plaisir de vous écouter en mangeant du saucisson et un bon verre de vin en saluant nos copains musulmans. Effectivement, j'ai récemment repris mes études en histoire, ou du moins ce qu'on nous enseigne dans le sud de la France, où j'ai plaisir à partager ma culture au sein d'un quartier coloré. Âgé de 23 ans, je suis donc la cadette d'une fratrie de 3 filles au sein de ma famille. La première a trouvé du travail en Guadeloupe, cette belle région française qui fait tant rêver. Elle y habite avec son petit ami tunisien qui travaille en restauration au black 10 heures par semaine tout en touchant le chômage depuis un an. Elle, en revanche, travaille dans une agence de location de voitures environ 40 heures par semaine, payée le SMIC avec un BTS commerce international suivi d'une licence de tourisme effectuée en Australie. Pendant un an, elle avait cherché autre chose, mais à part caissière au supermarché, on ne lui proposait rien. ses amis et deal du crack ou de la cocaïne par la poste via la métropole française et touche encore les allocations, voire le RSA, tous les mois. En discutant, elle me dit qu'en fin de compte, le meilleur travail qu'elle avait eu donc par le passé était en France en tant que caissière, où l'ambiance qui accompagnait donc ce travail était moins pire. J'ai beau lui dire de rentrer au pays, cette dernière persiste à se convaincre que rentrer en France serait un échec. La dernière de la fratrie s'est convertie à l'islam il y a déjà 4 ans, elle avait donc 15 ans. Quand cela s'est produit, vous devez alors vous imaginer la réaction de mes parents. Mais après bien des débats, ils l'ont acceptée lorsqu'elle s'est rendue au domicile familial avec le voile. Sans précédent, les négociations religieuses ont eu lieu et ma mère s'estime heureuse lorsqu'elle ne le porte pas, donc son voile, pendant les repas. Après moult ramadan et refus de fêter les fêtes catholiques du calendrier, elle nous apprend alors qu'elle emménage à Grenoble ou au Grenoblistan pour faire un DUT assistante sociale et se spécialiser dans les demandeurs d'asile, histoire de leur porter secours. Donc mes parents, en tant que bons 68ards anarchistes, se sont tus pour éviter un nouveau scandale. Donc j'ose alors dire qu'en fin de compte, notre bon vieux roi de France n'était pas si mal, et qu'étant donné la situation, il serait bon de remettre un peu d'ordre, donc en France sous-entendu. Qu'est-ce que je n'avais pas dit ? Une avalanche de rires et de moqueries m'a alors postillonné le visage. Je suis passé pour la méchante facho et conservatrice qui idolâtre un rêve déjà perdu. Après moult débats et réflexions, il en a fallu. Ils ont réalisé qu'ils commençaient déjà à vivre un rêve qui n'avait jamais eu lieu. C'est bien beau de jouer de la guitare et de fumer des pétards, mais cela n'a jamais relevé un pays. Ne voyant pas plus de réflexion, j'en fis alors part à ma seule amie, une femme, qui malheureusement est aux Beaux-Arts dans le sud de la France. Parce qu'en plus d'être facho, je déteste les femmes. Et leurs réflexions... leur mode de réflexion trop exigu, trop étriqué, disons, prétentieuse et égoïste. Cette dernière est bel et bien choquée par la conversion de ma sœur, mais dès qu'il s'agit d'élever la réflexion, notamment politique, il n'y a plus personne. Les gens ou les Pokémon en art préfèrent largement faire la manche, des soirées en tout genre et faire des trucs qu'ils qualifient d'art, mais penser est une activité où ils... à laquelle ils sont abonnés absents. C'est un appel à l'aide et un appel à la destruction de notre stupide et minable société. Il faut, je vous prie, qu'on combatte ce vide intellectuel, cette absence totale de civilisation, cette décadence du monde blanc, pour citer Léon de Grelle. Pourtant, je suis une femme. Je ne m'obtiens pas le droit d'intervenir en politique. La femme avait beaucoup plus de vertu et de valeur au sein de la demeure familiale, plutôt qu'aujourd'hui, en train de montrer son cul sur Instagram. Pardonnez ma vulgarité. Ma famille et mon entourage me rendent complètement folle. J'ose à peine imaginer le reste de la population française. Personne ne m'écoute. Je passe pour un alien. S'il vous plaît, amis romains, gaulois et françois, faites quelque chose et relevez la France en son nom. Levons-nous pour la Reconquista. Et c'est signé Charlemagne, bien que notre auditrice soit une jeune femme. Alors, rapide courrier, mais on se retrouve dans des cas de figure qu'on a déjà eu dans des courriers des lecteurs, c'est-à-dire, en substance, vous avez quelqu'un qui est lucide sur la situation, quelqu'un d'assez jeune, qui est lucide sur la situation et qui se retrouve dans une famille hostile. Et notamment face au choix de ses frères ou de ses sœurs, des choix de vie, etc., qui rendent pratiquement la communication impossible ou de plus en plus difficile. Alors suite à ce témoignage, on sent que cette jeune femme est désemparée face à la situation. Qu'est-ce que vous voudriez lui dire? Et on dit aussi que les conseilleurs ne sont pas les payeurs, mais est-ce que vous auriez peut-être un avis sur sa situation à elle ou sur ce type de situation, éventuellement? J'ai une interrogation un peu triviale. Je me pose la question, lorsque la sœur est en visite là, chez sa famille, est-ce que dans la salle de bain, il place un seau pour se laver le cul à la place du PQ? Parce qu'apparemment, ils font des concessions dans la famille. Tu peux être voilé, mais pas quand on mange, machin. Il faudrait quand même lui poser la question et qu'elle pratique un islam jusqu'au bout, quoi. Ouais. Bon, après, ça me fait penser à une anecdote que j'avais connue, lorsqu'il y avait une beurette dans un groupe composé majoritairement d'hommes et qui cassait les couilles à tout le groupe parce que le porc, parce que l'alcool, parce que les 5 prières par jour, les machins. Et puis, jusqu'à ce que quelqu'un lui fasse remarquer que c'était bien beau d'avoir des revendications comme ça, mais que si elle pouvait en même temps éviter de se taper la moitié des mecs du groupe les samedis soirs, ça serait bien aussi, quoi. Ah, c'est intéressant, ça, oui. Effectivement, ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je... Bon, la situation est délicate, disons qu'on a, la plus jeune sœur de la fratrie ou de la sororité à 19 ans. Elle est convertie à l'islam depuis 4 ans. En toute probabilité, elle va se marier avec un musulman, hein, qui va d'ailleurs cordialement la tabasser, c'est tout à fait clair. Si elle a vraiment mauvais goût, elle va piquer un Algérien. On imagine déjà le truc. Et la plus grande sœur est maquée avec un Tunisien en Guadeloupe, donc là on est sur autre chose. La peur d'échouer socialement, bon, j'ai envie de dire, en se foutant à la colle avec un Tunisien, c'est déjà quand même bon, c'est pas... Voilà, mais bon, première chose, cette jeune femme, d'abord, n'est pas responsable des choix de ses sœurs. Donc bien évidemment, il est naturel de vouloir le bien de ses frères ou de ses sœurs, mais en dernière analyse, ce sont des adultes. Et comme les deux sœurs en question sont adultes, elles vont faire des choix qui sont déjà des choix complètement merdiques, mais il ne faut pas, s'arracher les cheveux. Je veux dire, là, elles sont face à leur propre destinée. Voilà, je veux dire, là, il y a quelque chose qui s'accomplit on ne peut pas aller contre. Quand c'est déjà très avancé comme ça. Hein. Donc moi, je pense qu'il faut d'abord se focaliser, pour cette jeune femme, il faut d'abord qu'elle se focalise sur elle. Donc, si les autres font n'importe quoi, elle a la liberté de faire, de prendre un chemin, une voie, qui la rendra heureuse. Donc, ça, c'est le plus important. Ça peut avoir des vertus pédagogiques, d'ailleurs. C'est-à-dire que si elle est réussie à devenir heureuse dans la vie, relativement, bon, les autres qui vont inévitablement merder, alors sauf si sa plus jeune sœur finit carrément salafiste et tout, elle finira par faire sa hijra et aller dans le monde musulman. Mais je veux dire, bon. Elle a l'air bien partie, d'ailleurs. Non, mais on connaît. Mais en plus, souvent, là aussi, c'est une conséquence de la déstructuration complète de la société française. Ça, c'est une conséquence directe de 68, hein, il faut comprendre ça. Hein. C'est-à-dire que parce que la génération 68, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y a, aucune transmission. On ne transmet rien. On ne transmet rien. Il n'y a rien. Donc les gamins sont livrés à eux-mêmes. C'est à eux de bricoler un semblant de cadre social, de référence culturelle, de référence morale. Et ils bricolent avec ce qu'ils ont autour d'eux. Si vous êtes en milieu bougnoulisé, il y a de fortes chances que des jeunes blancs déstructurés vont se bougnouliser à la vitesse de l'éclair. On le voit tous les jours. D'accord ? Mais ils bricolent, on est dans une société totalement atomisée, et ces atomes-là qui évoluent au hasard, bon, bah, ils vont être aimantés par d'autres trucs. Alors, cette jeune femme a la chance d'avoir des conceptions beaucoup plus fortes, beaucoup plus nettes, quitte même à aller au clash avec sa famille. C'est intéressant parce que ça fait écho avec la situation du Covid. Vous voyez, vraiment, vous refusez de plier, en fait. Bon, elle a déjà cette force de caractère-là. Bon, ça, c'est un atout. Donc, il faut qu'elle continue sur cette ligne-là. Mais il faut vraiment qu'elle évite, si vous voulez. Moi, c'est ce que je lui dirais. Déjà, il faut se couper. Alors, peut-être pas trop radicalement, mais il faut quand même se protéger, se préserver des influences négatives. Déjà, moi, je le dis parce que là, elle a dit qu'elle est en quartier... dans un quartier multiracial, etc. Bon, déjà, là, la première chose à faire, c'est de quitter les quartiers à bougnoules, quoi. Ça, il faut fuir ces zones-là tout de suite. Se mettre dans des zones blanches, relativement préservées, et essayer de commencer sa vie dans un milieu, je veux dire, racialement plus sain et en tout cas homogène. Ça, c'est le premier truc. Il faut déjà commencer par ça. La famille, bon, il ne faut pas hésiter à leur mettre des vérités dans les dents, je veux dire, en fait, c'est marrant parce que les musulmans donnent quelque part un petit peu la ligne à suivre. C'est-à-dire que la petite sœur qui est convertie à l'islam fait chier tout le monde avec sa religion de merde, y compris ses parents. C'est-à-dire qu'elle dit ouais, non, mais non, la fête, la Noël, bon, voilà. Donc elle fait chier tout le monde. Ben, notre auditrice doit porter ses convictions avec la même force. Voilà. Hein, c'est djihad blanc, j'ai envie de dire. Hein. Djihad blanc, voilà, non, non, moi je refuse de céder, voilà, voilà. Mais il faut d'abord, je résume mon intervention à ça, hein, il faut qu'elle pense à elle, premièrement, à sa réussite personnelle. Elle n'est pas là pour sauver des gens qui n'ont pas envie d'être sauvés, ça c'est d'une. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Continuer à rester sur une conception très nette, très droite, avancer, se préserver en se donnant un maximum de chance en vivant dans des endroits relativement sains, épargnés, avec des gens relativement sains. Ça suppose de s'écarter des quartiers bougnoulisés ou africanisés. Et idéalement, d'essayer de trouver des personnes, voilà, qui sont des personnes simples, gentilles, et avec lesquelles on peut nouer des relations qui ne soient pas des relations toxiques. Voilà. Il faut fuir la toxicité. Fuyez la toxicité quand elle est devenue trop étouffante. Je veux dire, il faut pas persister, ça vous rend fou. Moi, c'est ce que je dirais à cette jeune femme, et surtout pas de désespérer. Surtout pas de désespérer. Quelqu'un veut-il rebondir là-dessus, sur ce type de situation, qui est quand même une situation difficile? Lorsque la petite sœur reviendra dans sa famille avec des bleus plein la tronche et quelques mains courantes, et qu'elle verra peut-être que, justement, bah, de l'autre côté de la barrière, elle voit une femme épanouie, heureuse, avec une famille, peut-être que ça la fera réfléchir. Oui, ça c'est une oui, ça c'est important. Évidemment, elle a 23 ans, donc elle a besoin, elle a repris ses études, c'est bien. Donc là, elle a un petit coup au moral et tout, mais ça, on peut remonter la pente, il n'y a pas de problème. Mais se focaliser sur la maternité, c'est très bien. À terme, je n'ai pas dit dans l'année. Mais voilà, c'est-à-dire qu'elle peut fonder elle-même ses enfants, son foyer, transmettre des valeurs qui sont des valeurs positives, créer le contre-modèle. Voilà, ça c'est faisable. Ça c'est un objectif de vie pour une femme. Voilà. Donc en fait, d'en prendre vraiment le contre-pied de ses sœurs et de s'assurer que des valeurs positives et saines soient inculquées très tôt à ses enfants. Ça c'est un objectif de vie, ça. Alors évidemment, elle a 23 ans, elle a encore des études à faire, elle va essayer de trouver un boulot, etc. Mais voilà, ça c'est faisable. C'est faisable. Quelqu'un d'autre sur cette situation-là, de tension dans les familles Je pense que les conseils donnés sont bons, simplement pour dire que ce genre de choses, c'est-à-dire une fille de Français de souche qui se met avec un arabe, un musulman et tout ça, c'est pas des choses isolées. Chez les voisins, par exemple, de mes parents, c'est arrivé dans plusieurs cas, ouais, des filles de Français de souche qui se sont mis. Et en général, ça s'est mal terminé. Hein, mais après avoir eu des gamins et tout ça, c'était bon, des divorces, des trucs. Bon, c'était pas brillant. Bah forcément, la dimension raciale. Mais moi, je dirais, hein, bon, elle se dit national-socialiste. Elle a une vision claire, de toute façon, elle ne va pas en changer, elle va pas se convertir à l'antiracisme. Hein, ça, voilà, elle a compris que ces races de merde sont absolument invivables au quotidien. Donc moi, ce que je dis, première chose, mettre un maximum d'espace entre elle et ces races debout. Vraiment, c'est très important à faire. Ça doit être un objectif de vie à court terme, vraiment. Je veux plus voir ces sales gueules. Donc je me mets dans des dispositions telles que je les évite, et ensuite un projet constructif pour les années qui viennent. Bah, fonder un foyer, je trouve que c'est un très beau projet, où voilà, elle pourra véhiculer des valeurs positives. Moi, c'est comme ça que je verrai les choses. Quoi. Ouais, c'est comme ça que je verrai les choses, c'est ce que je dirais. Voilà. En tout cas, que notre auditrice ne désespère pas, il faut résolument rester positif, optimiste, en vouloir, dans la vie, rien n'est donné. Tout se prend par la force de la volonté. Alors, messieurs, rubrique numéro 2, autisme radical. Ah, c'est pas mal. C'est le père Macron qui a des choses à nous dire. Il a beaucoup de projets. C'est dans le cadre du G7. Hein. Alors, de retour au travail après avoir été giflé mardi. Bon, ils sont cocasses, je vous dis la source quand même. C'est or.fr, le site. Vous allez vous comprendre pourquoi. or.fr. Donc, de retour au travail, après avoir été giflé mardi par un individu lors d'un déplacement dans la Drôme, Emmanuel Macron a tenu une conférence de presse en amont des sommets du G7 et de l'OTAN. Dans le prolongement des commentaires formulés plus tôt en mai, lorsque M. Macron a accueilli les dirigeants africains et les responsables des prêteurs multilatéraux pour trouver des moyens de financer les économies africaines touchées par la pandémie de Covid-19 et discuter de la gestion de la dette du continent en milliards de dollars, le président français a fait une suggestion intrigante sur la manière de financer ce plan de sauvetage. Alors je cite, « La singularité de l'Afrique, c'est qu'elle n'a pas les moyens financiers aujourd'hui de protéger et de relancer son économie, comme l'ont fait tous les autres continents », a souligné en mai sur RFI le ministre français des Finances Bruno Le Maire. Les chefs des finances mondiales ont accepté en avril d'augmenter les réserves, les DTS, du Fonds monétaire international, donc le FMI, de 650 milliards de dollars et de prolonger le gel du service de la dette pour aider les pays en développement à faire face à la pandémie, bien que seulement 34 milliards de dollars seront alloués à l'Afrique. La France veut aller beaucoup plus loin en réaffectant les DTS destinés aux pays développés au profit des pays africains, donc rediriger sur les 650 milliards décidés une part beaucoup plus substantielle vers l'Afrique. Hein. C'est ce que veut la France, nous fait savoir or.fr. D'après Emmanuel Macron, un New Deal est nécessaire pour l'Afrique afin d'apporter au continent une bouffée d'air frais. Aujourd'hui, le président français a appelé les membres du G7 à trouver un accord dans le cadre des efforts visant à redistribuer 100 milliards de DTS au FMI aux pays africains. Alors comment financer ce plan de sauvetage ? En conférence de presse, M. Macron s'est dit prêt à vendre des réserves d'or pour financer le sauvetage des économies africaines. J'aime bien l'expression sauvetage. Alors là, je cite, « Le rendez-vous du G7 doit permettre d'obtenir cet accord historique avec comme objectif d'avoir au moins 100 milliards de droits de tirage spéciaux qui vont vers l'Afrique. C'est un début essentiel. Hein, c'est un début. Ce mécanisme devrait être complété par un accord pour vendre aussi une partie de nos réserves d'or et financer ces investissements. Pourquoi ? Parce que les réserves d'or du FMI ont augmenté en valeur au bénéfice de la crise, parce que l'or a été une valeur refuge. Utilisons ce surprofit pour justement le donner aux pays les plus pauvres, en particulier africains, qui en ont aujourd'hui besoin. Pas dans 20 ans ou 30 ans, aujourd'hui, a déclaré le président, donc Macron. Alors Macron, le généreux, il veut des centaines de milliards d'euros dollars déversés sur l'Afrique. Et il dit, voilà, moi, là, président français, je suis prêt à claquer toutes les réserves d'or françaises pour arroser les nègres d'Afrique. Mais ça ne suffit pas. Toutes les grandes nations du monde doivent claquer leurs réserves d'or pour déverser des milliards, des centaines de milliards sur l'Afrique. C'est ce qu'il nous explique. Alors, messieurs, est-ce que vous êtes convaincu par ce projet ? Est-ce que ça vous inspire, ça Est-ce que vous pensez d'abord que la France est en situation de liquider ses réserves d'or, enfin s'il en reste, pour les donner à l'Afrique ? Qu'est-ce que vous en dites ? S'il en reste, même s'il n'y en a pas, on n'a qu'à faire des emprunts. Faisons des emprunts pour nourrir les nègres, hein, parce que ça, c'est une solution que j'aime bien, parce qu'elle est originale. Ça n'a encore jamais été tenté. Tiens. Piquer le pognon des Blancs pour le foutre dans la poche des nègres. Ça, c'est encore jamais été fait. Quelqu'un disait, un économiste, je crois, finalement, les aides au développement, tous ces trucs-là, c'est l'argent des pauvres des pays riches, hein, des pays blancs, grosso modo, qui va dans la poche des riches des pays pauvres, puisque en général ce genre d'aide ça atterrit dans les caisses des partis des présidents, quoi. Les présidents s'en foutent plein les fouilles, puis ils mettent cet argent après dans les banques suisses, luxembourgeoises, dans les paradis fiscaux, et puis la population ne touche pas davantage, mais elle a pas besoin de toute façon pour vivre. Ils arrivent très bien à faire des gamins en vivant avec 1 euro par jour, donc pour eux ça change pas grand chose. Oui, il y a eu un scandale récemment d'ailleurs, j'ai oublié le pays africain, mais des détournements de fonds ont été observés, qui étaient consécutifs en fait à des aides liées au Covid. Il y avait eu des aides internationales qui avaient été versées dans ce pays-là, et j'ai oublié lequel. Hein. J'en suis désolé, mais la Gambie notamment. Ouais, en Gambie, il y a eu ça, mais il y a eu pas mal dans beaucoup de pays. Ouais. Souvent d'ailleurs, les présidents qui ont été dans le collimateur, indépendamment de leurs défauts, comme tout le monde, hein, mais des gens comme Kadhafi, bon, certainement critiquables sur certains trucs, mais c'était quelqu'un qui avait un projet de bancaire intra-africain, etc., ou quelqu'un qui voulait sortir du dollar et tout ça, donc il a été ciblé comme tel. Mais ça fait le lien avec Sarkozy, qui a mené une fronde contre, qui a participé en tout cas à mener une fronde contre, contre Kadhafi, qui lui-même, en tant que ministre des Finances, Sarkozy, avant 2007, avait vendu une quantité substantielle de l'or français avant que l'or ne se mette à monter, justement. Eh oui. Il y a des constantes. Il y a des constantes. Et d'ailleurs, si l'or de la France disparaît, enfin, l'or, c'est important, pas dans la vie quotidienne, mais c'est un point d'ancrage économique, c'est quelque chose qui a toujours de la valeur. Donc, si jamais on n'avait plus d'or, ce serait la porte ouverte à la dévaluation, notre monnaie n'aurait plus de valeur. Donc, ce serait une catastrophe totale pour les Français, hein, c'est sûr. Mais c'est vraiment. Bon, la situation de la France est quand même incroyable, je veux dire. Macron est complètement fou, hein. Il faut qualifier ça avec le terme qui convient. Macron est fou. Il est fou. Il est fou des nègres. Il est fou des nègres. Il est en train de plonger la France dans une situation de crise inédite. Regardez la dette française qui s'est envolée. Déjà, elle montait inexorablement hein, depuis des années déjà. Mais là, lui, en 4 ans de mandature, c'est de la folie furieuse. Hein. On peut même plus vraiment compter parce qu'il y a la dette visible, la dette invisible. Vous savez, bon, il a levé énormément d'emprunts internationaux qui devront être remboursés, bon, ben, par les futures générations. Donc vous voyez que l'esclavage financier se fait toujours plus pressant. Donc c'est un type en fait qui est généreux, mais avec le fric des autres. Parce que c'est pas son fric à Macron quand même, il faut le souligner. L'or de la France, c'est l'or des Français, c'est pas l'or d'Emmanuel Macron. Il est évident que quand il se met à faire ce genre de sortie, ça a des visées électorales. On est en 2021, l'année prochaine une élection présidentielle, Macron est en train d'essayer, envoie un message à tous les millions de nègres qui sont établis en France en leur disant « Votez pour moi, je vais engraisser vos cousins d'Afrique. Hein, on va claquer du fric pour vous. » Hein, c'est ça le message. Hein. Voilà, donc il est en train d'essayer de jouer le champion de l'Afrique, le champion des nègres, à la tête d'un pays qu'il est en train de contribuer à la liquidation financière complète. Deuxièmement, regardez ce qui se passe au Mali, c'est-à-dire sur le terrain, ce que donne sa politique. Il a annoncé un retrait. Il n'y aura pas de retrait, vous avez bien compris, mais il a dit, voilà, Barkhane, c'est fini, etc. Donc, ils sont censés réduire un peu. Bref, qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Sur le terrain, eh bien, au Mali, tous ces nègres, toutes ces tribus, plus personne ne veut entendre parler des Français. Plus personne ne veut entendre parler des Français. C'est aussi simple que ça. Voilà, ça fait des années que l'armée est déployée là-bas. Il y a des morts, ça coûte un pognon de fou. On est en train d'essayer de gendarmer des nègres qui n'ont qu'une envie, c'est de s'entr'égorger. Les manifestations anti-françaises sont absolument récurrentes. Ça s'étend un peu partout, c'est-à-dire que plus le temps passe. Ça fait le lien avec l'intervention en Libye, parce que le Mali a été déstabilisé directement par la décision de Sarkozy, de Cameron et aussi de Bernard Lévy de renverser Kadhafi. Hein. C'est la conséquence directe, quoi. Donc tout ça se tient, et donc on nous dit non, mais il faut en mettre encore plus de pognon, etc. Parce que, alors que quand on regarde la politique de Macron depuis 4 ans en Afrique, au Sahel, c'est un désastre. C'est un désastre, voilà, c'est un désastre. Ça ne mène nulle part, il n'y a pas d'objectif, ça ne mène à rien. Voilà, gendarmer des nègres pour créer une démocratie, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Ils disent, voilà, il faut créer un Mali démocratique, etc. Les types volent de coup d'État en coup d'État, ce sont des potentats nègres qui s'en foutent plein les fouilles, ils sont renversés par d'autres aspirants potentats qui veulent aussi s'en foutre plein les fouilles. Quand tu leur donnes des aides internationales, comme tu l'as très bien dit, tout est détourné. Voilà. Enfin, c'est le même cinéma depuis la fin de la colonisation, et Macron propose d'en faire 10 fois plus, parce qu'il a envie de se faire élire par cette masse de nègres qui squattent chez nous. Assez, assez, assez, assez. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas. Le problème, c'est que ça ne s'arrête pas. Quoi. Donc, je crois que cette obsession négrophile des élites françaises, cette maladie africaine des élites françaises ne s'arrêtera que quand la France fera faillite. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tant que ce pays pourra emprunter des centaines de milliards sur les marchés internationaux. On essaiera d'en déverser une partie sur l'Afrique. Ça n'arrêtera pas. On est gouverné par des assistantes sociales qui n'ont qu'une passion dans la vie, c'est torcher le cul des nègres. Voilà. Donc, c'est pour ça que moi je suis pour le désengagement total. Je pense que l'armée française n'a plus rien à foutre en Afrique. Économiquement d'ailleurs, c'est ce qui explique très bien Bernard Lugan. Il dit économiquement, de toute façon, tout a été repris par la Chine depuis très très longtemps. Voilà, on est juste en train de faire la police pour essayer d'expliquer à des nègres comment se comporter, etc. Voilà, bon, tu perds du fric, tu perds des hommes, tu perds du temps. Voilà. Et pendant ce temps-là, en France, les nègres font n'importe quoi. Parce qu'en plus, ils viennent chez nous. Je veux dire, c'est comme ça qui se passe. Assa Traoré, c'est une malienne, par exemple. Elle organise des émeutes raciales en France pendant que tu as des soldats français qui sont en train d'essayer de maintenir leur fiction de pays chez eux. Je veux dire, c'est, on marche sur la tête, je veux dire. On marche sur la tête. Moi, je propose de... Je reproposerais théoriquement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, donc de renvoyer Assa Traoré dans son pays de merde, de rappeler l'armée française et de la stationner en France, il y a du boulot, et d'arrêter d'arroser ces nègres de fric qu'on va prendre aux Français d'ailleurs, qui sont soit au chômage, soit extrêmement précaires, soit qui n'ont plus de visibilité à cause de cette folie covidiste. Enfin voilà, enfin, tout est fait en dépit du bon sens. Alors, cette sortie de Macron m'a paru ahurissante. Mais non seulement ça, du point de vue français, mais en plus, il dit aux autres puissances occidentales, il faut cracher. Enfin, c'est incroyable, quoi. Alors, y a très peu d'appétit hein, par enfin, ces déclarations. Les autres ont dit, ouais, t'es bien gentil avec tes nègres, mais voilà. Bon, je suis un peu emporté, mais j'en peux plus, quoi. Je sature, quoi. Mais c'est le modèle. Petite c'est, remarque. C'est simplement un truc, hein. C'est le modèle français exporté à l'Afrique. C'est ce qu'on fait en France. En France, on va prendre de l'argent aux travailleurs blancs pour dorloter des nègres qui nous crachent à la gueule, voilà, par la CAF, etc., logement social, etc. Et ce que propose Macron, c'est de maximaliser ce modèle en plus de continuer à l'importer. Alors que ça ne marche ni en France, ni en Afrique. C'est fou. Macron a dit à deux reprises, une première fois pour le média Brut, je crois, apprécié de jeunes, comme on dit, et puis une autre fois dans un autre média, beaucoup plus récemment, exactement à 6 mois d'écart, jour pour jour, ce qu'a fait remarquer Philippot notamment. Il a dit à chaque fois, peut-être que lors de cette dernière année de mandat, je ferai des choses qui m'empêcheront d'être candidat. Et ne s'agit-il pas de ce genre de choses avec les histoires de vaccination obligatoire aussi qui l'empêcheront peut-être d'être candidat? Enfin, je ne fais que le citer. Hein, mais... Moi, j'y crois pas, en fait. Bon, ça, c'est une petite aparté, mais c'est simplement pour se faire désirer. Sarkozy le faisait aussi, il avait fait cette déclaration en 2012. Je ne sais pas si je pourrais être candidat, etc. Ils font toujours voler ce thème. C'est susciter le désir, l'inquiétude aussi chez ceux qui les soutiennent, etc., pour essayer de dramatiser. C'est des vieilles ficelles de scénaristes. Macron est évidemment candidat à sa réélection. Comment vous le savez? Bah, vous l'écoutez parler. Là, il est en train de promettre des ponts d'or à l'Afrique et à son électorat nègre en France. Il y a aussi la séquence Benzema, où il a carrément imposé Benzema à Deschamps pour caresser dans le sens du poil les banlieues, les Algériens de banlieue, hein, en gros. Bon, il y a eu le rapport sur la guerre d'Algérie avec le juif Stora, où la rebelote, il reprend carrément la version algérienne de la guerre d'Algérie. Ben, j'en passe, c'est des meilleurs. Enfin, je veux dire, il est très clairement candidat à sa réélection, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Bon, après, est-ce qu'il faudrait qu'il le soit? Ça, c'est autre chose. Mais je veux dire, je préfère tuer le suspense tout de suite. Il est candidat à sa réélection. Je veux dire, voilà. La gauchiasse de la semaine, c'est Mélenchon. C'est Mélenchon, la gauchiasse de la semaine. Alors lui, il a eu une semaine très remplie. Hein. On va commencer avec le commencement, si vous voulez bien. C'est la séquence avec le youtubeur Papacito. Vous connaissez Papacito, je présume? Un youtubeur qui s'était fait connaître au départ, qui avait un blog, si vous vous rappelez, il avait un blog. Et il est devenu youtubeur. Et alors, il a fait une espèce de sketch en vidéo avec un autre youtubeur qui est spécialisé, je crois, dans les armes à feu. Je crois que c'est... Code Renault. Code Renault, voilà. C'est un ancien militaire, d'ailleurs, Code Renault, si je ne m'abuse. donc spécialisés dans la présentation des armes, etc. Bon, voilà, ils ont fait une vidéo en commun où, en fait, ils tournaient en dérision les lecteurs moyens de la France insoumise en les traitant de traîtres. Bon, ce qu'ils sont, hein, je veux dire, voilà, un pro-islam, etc. Et où ils se mettaient en scène en train d'abattre... Enfin, non, bon, le truc, c'était, voilà... Dans la France ultra-violente des années qui viennent, si vous voulez survivre, il faudra être bien équipé. Est-ce que Jean-France Insoumise est équipé pour survivre dans la France balkanisée du XXIe siècle? Et la réponse de la vidéo, c'était non. Et ils se mettent en scène comme ça, en train de tirer sur un électeur type de Mélenchon. Et il y a Papacito. Un mannequin. Oui, un mannequin, voilà. Et il y a Papacito qui met des coups d'armes blanches dans le mannequin, etc. Bon, c'est tout ça, évidemment, c'est une satire. Hein, c'est une satire. Ça a fait suite aux déclarations de Mélenchon dimanche dernier. Vous savez, où il a laissé entendre. Alors, ça a été mal interprété, mais. Où il a dit, voilà, on sait comment ça marche, l'élection présidentielle. Il dit, voilà, on va nous sortir un candidat du chapeau. La dernière fois, c'était Macron. Cette fois-ci, on verra qui ça sera. Et dans la dernière semaine, on va créer un drame, un attentat, un meurtre. Tout ça est déjà écrit à l'avance, etc. Donc, il disait, voilà, ça va être scénarisé. Voilà, on va être encore piégé médiatiquement. Et dans la foulée, on l'a accusé de complotisme. Alors lui, il disait pas que l'État allait organiser un attentat, il disait qu'il allait avoir un fait divers, ce serait un attentat ou un meurtre, et que ce serait récupéré par le candidat du système et grossi ou monté en épingle par les médias en faveur du candidat du système pour étouffer tous les autres. Quoi. Grosso, c'est ce qu'il disait. On l'a accusé de complotisme, le CRIF lui est tombé dessus, enfin tout le monde lui est tombé dessus. Et il était vraiment sous une énorme pression, Mélenchon, et il rebondit le lendemain avec la vidéo de Papacito, en disant « au secours, je suis menacé de mort !» grâce au sketch. Voilà. Alors, j'ai recontextualisé. Qu'est-ce que voulait dire cette séquence, la première séquence de Mélenchon se mettant en scène à l'Assemblée avec l'autre rouquin, là, et ses bras cassés, là, de la France Insoumise. Perso, moi, j'avais vu la vidéo avant le shitstorm, vidéo qui est très drôle, d'ailleurs, ça... Franchement, c'est pas mal. Les deux sont un potentiel comique, hein, Reynaud et Papacito. Et bon, après, voilà, j'ai fait autre chose. Et puis, quelques heures après, j'ai vu que Mélenchon a fait son petit caca. Et j'ai pas compris. Je vous jure, j'ai pas compris. Parce que Mélenchon, il disait, attendez, on m'a quand même menacé de mort et tout. C'est grave. Je dis, mais attendez, mais... on a vu la même vidéo, quoi. Et je les regarde à nouveau. J'ai toujours pas compris, en fait. En fait, Mélenchon est dans son délire. Peut-être qu'il voulait se faire oublier de ses propos la veille parce qu'il s'est dit « Ah ouais, merde, là, ça craint, là. Je vais me faire un peu remarquer. » Mais ouais, il est sur une mauvaise pente, Mélenchon, en ce moment. Très mauvaise séquence, là, pour lui. Hein. Ouais, ouais. Ah, j'ai vu aussi la vidéo, vite fait. Bah, c'est très, très drôle. Hein. De toute façon, on connaît Papacito depuis longtemps. C'est un mec qui a un énorme potentiel comique. Et là, il nous en fait partager les fruits. J'ai trouvé ça très, très dans l'esprit Charlie Hebdo, tu vois. Sarcastique, un peu méchant, mais toujours drôle. Ça me rappelle d'ailleurs une de Charlie où on voyait un musulman, le Coran à la main, se faire cribler de balles avec le titre « Le Coran, c'est vraiment de la merde, ça n'arrête pas les balles ». Bon, bah, c'est un peu le même gag, là, mais en vidéo, quoi. Là. J'ai trouvé ça très, très bien. Très bon esprit, très bon enfant. J'avais bien aimé la version. C'était quel caricaturiste qui avait fait ça? C'était Charlie Hebdo, c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Oui, bah oui, c'était un bel hommage à ce très grand journal. C'était pas Zéon? Je crois que c'était le dessinateur Adolphe, mais je suis pas sûr de ce que d'accord. Je sais pas, mais j'avais trouvé ça très réussi. Et on nous avait dit non, pas trop. On avait de la politique. Non, bah dans ce sens-là, visiblement, l'humour noir, le sarcasme, c'est pour les personnes autorisées. Voilà. Ouais. Sinon, bah oui, Jean-Luc Mélenchon, ouais, il a eu un propos un petit peu ambigu et tout le monde lui a sauté à la gorge. Alors, bah, c'est la revanche de la droite juive contre les islamo-gauchistes, quoi. C'est, voilà. Ouais. Bon, c'est normal, ils se défendent. Bon. Autrement, moi, j'ai trouvé l'accusation de Mélenchon assez pathétique, mais. Mais bon, comme Papacito est plus ou moins perçu comme un type d'extrême droite, ce qui est assez amusant d'ailleurs, ça passe, quoi. Tu vois, c'est bon, t'as une polémique, t'allumes un contre-feu, tu cries extrême droite, fascisme, bon, ça passe. Et puis, ce qui est évident, c'est que la vidéo était évidemment à but humoristique, c'est-à-dire répété plusieurs fois. C'était tellement, comment dire, délirant que ça ne pouvait pas être pris au sérieux. Il place sur le mannequin des magazines, de yoga magazine, pour voir si ça arrête les balles, de la bouffe, en fait des graines, vous savez que les gauchistes ils bouffent des graines, Papacito a dit, ça, c'est bizarre les gauchistes, on les confond avec des poules, on sait pas s'ils mangent ou s'ils picorent, un truc comme ça, enfin c'était pas sérieux quoi, bien sûr. Et en plus, on peut même dire que du coup il disait à mot couvert, bah, si jamais il y a un djihadiste fou qui s'en prend à des blancs, donc potentiellement aussi des gauchistes, donc les mecs de droite sont préparés, le gauchiste l'est beaucoup moins, quelque part c'est même un peu bienveillant, ça veut dire bah préparez-vous, parce qu'à la fin de la vidéo ils terminent les deux sur des moyens légaux de posséder une arme de catégorie C, donc c'est pas forcément l'arme de l'année, ouais, une catégorie c'est, C, mais c'est du 12 mm hein, du fusil de chasse quoi. Mais l'ego, quelque chose. Oui, l'ego, oui, oui, oui, l'ego, tout à fait, ouais. Alors précisons que le parquet a ouvert une enquête quand même, hein, pour, je veux dire, il y a quand même eu, je veux dire, pour la vidéo a été supprimée, ça c'est par YouTube, c'est assez intéressant quand même, je veux dire. Comment dirais-je, on parlait de censure, etc. Bon, la vidéo en question était au second degré, et là, le problème, c'est comme disaient des proches, quoi, on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. Et le problème, c'est que sur YouTube, les arbitrages sont faits, quoi. Alors, oui, il disait, oui, vous pouvez vous devriez vous fournir, je sais plus ce qu'il disait, quoi. Enfin, il fallait passer un permis de chasse, c'était très rapide, tir sportif, puis ensuite permis de chasse, et on pouvait avoir de la calibre 12 assez vite. Bon, ce genre de truc, oui, voilà, c'était... c'était. Mais bon, il y a quand même eu une enquête ouverte, et c'est vrai que Mélenchon était assez pathétique. Mais attention, c'est pas parce que Mélenchon a fait ça. Les gens ont pu croire, parce que j'ai entendu ça dans notre milieu, enfin dans les milieux, dans les milieux identitaires. Hein, ça veut pas dire qu'on est d'accord sur tout. Mais la réaction que j'ai souvent vue, c'est ouais, mais Mélenchon allume un contre-feu. C'était juste, c'est ce qu'a dit Pourovitch. Mais c'est pas pour autant qu'il est pas, qu'il ne se croit pas menacé. Hein, je veux dire, il faut comprendre ça. Mélenchon croit vraiment qu'il est menacé de mort. Parce que c'est des gens qui sont très peureux, en fait, hein, attention. Hein. Et il y a eu des réactions dans Mediapart de gens, de membres de la rédaction, qu'on a lu sur les réseaux, de gens qui disent « Putain, j'ai la trouille, j'ai peur que des mecs d'extrême droite viennent nous abattre, etc. » Ils étaient tétanisés, les types. Ils étaient tétanisés. Il faut comprendre que ces mecs-là, qui, depuis 50 ans, parce qu'en fait, c'est ça, c'est depuis 68, quoi. On l'ascendant moral, on reçu le feu vert pour harceler tous ceux qui ne pensaient pas comme eux, détruire des vies. Parce que Mélenchon, il est bien gentil, Mélenchon, mais moi je me rappelle de son passif à Mélenchon. C'est lui qui organisait les campagnes de harcèlement pour le compte du Parti Socialiste du Front National. C'est lui qui organisait de véritables émeutes autour des rassemblements du Front National dans les années 80-90 au nom du harcèlement démocratique. C'était lui qui citait cette formule-là. Donc on sait d'où il vient Mélenchon. Alors quand il était du côté du Manche, ça le faisait marrer. Et encore, il n'y a pas encore eu d'émeutes organisées contre lui. Hein, il n'y a pas eu encore d'émeutes organisées contre lui. Mais ce mec-là en organisait contre des adversaires politiques. Alors moi, je suis content de voir cette petite frappe en prendre plein la tête maintenant. Vous voyez, parce qu'il n'est pas en odeur de sainteté, notamment avec le pouvoir juif. Notamment avec le pouvoir juif. Et c'est marrant, hein, comme quoi, vous voyez, les parcours. Hein, ça, voilà. Pourquoi ? Parce qu'il caresse dans le sens de la barbe toute une série de musulmans de banlieue. Et que ces temps-ci, certaines personnes portant des kippas sont dans un certain sentiment d'inconfort, un sentiment d'insécurité, pour reprendre l'expression de comment dirais-je, d'Emmanuel Macron. Dupond-Moretti. Ouais, Dupond-Moretti aussi. Oui, oui, certains juifs ont un sentiment d'insécurité en présence de certains musulmans. Comme ils les caressent dans le sens de la barbe, ben maintenant, médiatiquement, c'est plus trop ça. Et sa dernière sortie a encore aggravé son cas. Alors, je précise, hein, il n'a pas dit, voilà, le pouvoir va organiser un attentat. Ce qu'il a dit, c'est le pouvoir va instrumentaliser un fait divers qu'on va trouver dans la presse sans aucune difficulté. Mais bon, les autres ont dit, ouais, attends, c'est vachement ambigu, qu'est-ce qu'il veut dire par là et tout, il nous fait pas du soral, tu vois, c'est ça qu'ils ont dit en substance, hein, voilà. Donc, voilà, alors je suis bien content de lui voir, de voir ce type en prendre plein la tête. Par contre, je crois que son électorat ne va pas le déserter. Là, il y a une illusion qui court chez les macronistes, au Parti Socialiste ou à droite, ou chez les gens du RN, en disant « c'est bon, il est fini », etc. Ah non, non, non, non, non. Son discours fait mouche chez les musulmans. Son discours fait mouche chez les musulmans. Faut pas perdre de vue, ils sont 10 millions en France. Et même dans la gauche traditionnelle, les gauchistes, ils voient un blanc qui parle d'armes à feu, même si tout est légal, tout est encadré, etc. C'est bon, ils stressent, ils disent « Ah ouais, attends, bientôt la guerre civile. » D'ailleurs, guerre civile que Mélenchon avait, il avait pointé du doigt des militaires parce qu'ils font une lettre. Les militaires font une lettre. Attention, guerre civile, fin du monde, quoi. Mélenchon est dans un univers mental qui est le même que celui de Charb avant les attentats, où Charb, quelques temps avant, il répondait à une interview et il disait « Attention, nous, on n'a pas de problème avec les musulmans, on est terrorisé par l'extrême droite catholique, etc., parce qu'ils nous font des procès, c'est eux les vrais dangereux. » Quelques temps après, bon, bah, les frères Cauchy qui ont fait un petit coucou et qui ont changé la donne, quoi. Effectivement. Mais au niveau du propos sur les attentats montés en épingle pendant les élections, c'est vrai que c'est légèrement ambigu, mais ça peut vachement flatter la part de son électorat halogène, parce qu'il y a une rhétorique quand même chez les halogènes. C'est de dire, quand il y a des attentats faits par des musulmans, oui, mais non, mais c'est pas nous, en fait, c'est les sionistes, c'est l'État français qui a manipulé, c'est pas des vrais musulmans, c'est pas nous. Et je pense qu'un propos ambigu là-dessus, ça peut les flatter dans ce sens-là. Ah, totalement. Il y a des manipulations, ça arrive, mais de là à dire que toutes les attaques terroristes commises par des musulmans sont organisées par l'État français... C'est évidemment faux. Hein, voilà, faut pas être naïf. On sait qu'il y a toujours une part de manipulation. De toute façon, dans tout ce qui a caractère terroriste, il y a toujours une petite part de manipulation. Enfin, plus ou moins grande, ça va dépendre. Mais, je veux dire, les musulmans n'ont pas besoin d'être pris en charge pour vouloir tuer des infidèles. D'accord, c'est, je veux dire, souvent les profils, d'ailleurs, sont des profils foireux. Souvent, c'est un type, il vient de son Algérie natale, etc., ou de Tunisie, il a des problèmes à moitié psychiatrique, il se prend en photo, etc. Bon, il décide de planter, ça marche pas, comme à Nantes, ça a pas marché. Bon, voilà, la policière à la Chapelle-sur-Erre, elle a été blessée grièvement, elle n'est pas morte, voilà, bon, des fois c'est mortel. Bon, voilà, donc non, évidemment, les musulmans n'ont pas besoin de ça pour passer à l'acte. Mais dans le flot, il peut y avoir, évidemment... effectivement, une part de manipulation, il ne faut pas être naïf non plus. Mais c'est vrai, et c'est ce que dit Porovitch, les musulmans, de toute façon, sont constamment dans... Enfin, les musulmans, de toute façon, enfin, les arabes, les afro-maghrébins sont constamment dans une position victimaire. Mais c'est pareil dans les affaires de mœurs, hein, je veux dire, quand ils sont au tribunal, qu'ils ont violé... Une petite nana blanche, qu'on a retrouvé l'ADN, qu'il y a des constatations par les médecins et tout, le type, non, c'est pas moi, j'étais pas là. Tu sais, il y a son ADN sur la victime. Le mec te dit, droit dans le non, mais j'étais pas, c'est pas moi. Tu sais, il maintient, mais avec aplomb, quoi, tu vois. Ils sont comme ça. C'est, voilà, c'est tout. Donc, évidemment, quand Mélenchon dit, mais non, mais en fait, c'est ce qu'il a dit dans son. C'était sur France, je crois que c'était France Info. Il a dit ça va être monté en épingle effectivement, il dit, mais ce sera pour montrer du doigt les musulmans. Ça fait mouche, je veux dire, je suis désolé, hein. Il y a 10 millions de musulmans en France, ça fait mouche, hein. Donc il devient très impopulaire vis-à-vis, enfin, au plan médiatique, vis-à-vis du centre, voilà, mais alors dans l'halogéna électoral, Pas du tout, au contraire. Donc attention aussi aux effets d'optique médiatique, d'accord ? C'est pas parce que tous les médias contrôlés disent la même chose que c'est le reflet de l'opinion de la totalité de la population. Moi je dis attention, méfiance, et on pourrait avoir des surprises à l'élection présidentielle. On pourrait, je dis bien, je suis pas catégorique, je ne sais pas. Mais peut-être que Mélenchon performera pas si mal. Je dis pas que ce sera, je dis pas qu'il va faire 25%, mais... ça sera peut-être pas si mal. Voilà. Certains disent, ouais, il va être à 5. Je sais pas, peut-être qu'il va faire 12 ou 13. Je sais pas, on verra. Enfin, lorsque le père Hamel avait été égorgé par deux bougnoules à Saint-Étienne-du-Rouvray, l'affaire avait... on avait eu vent de ça très tôt dans la journée, et donc, avec des collègues, on commençait un peu à essayer de se renseigner par rapport à ce qui se passait. Mais bon, on était pris par le boulot, donc on n'avait pas spécialement le temps, on écoutait juste des trucs. Et puis bon, après, on a eu l'info, ok, le mec a été égorgé, c'est des bougnoules, à la Akbar, toute la compagnie, quoi. Donc on est juste d'avoir l'info, et donc j'avais un collègue bougnoule qui a fait, ah, mais c'est pas un musulman qui a fait ça. Le mec, il savait déjà, tu vois, c'est pas un musulman qui a fait ça. Ça parle les arabes. comment dire alors toujours dans la séquence, il a organisé une manifestation contre les idées d'extrême droite avec toute la gauche. Flop absolument incroyable. Donc c'était une manifestation antifasciste. Hein. On est dans la semaine d'ailleurs du procès en appel de l'affaire Méric, qui a fait très peu de vagues médiatiques, si vous l'avez observé. Hein. Ça a très peu fait parler. Hein. Les peines ont été un peu réduites pour Esteban Morillo et son camarade. Les condamnations restent quand même tout à fait absolues, enfin scandaleuses. Je veux dire, il devrait être libre, ni plus ni moins. Je veux dire, C'est les antifas qui auraient dû être condamnés. Voilà, exactement. Exactement. Il déclenche une rixe. Il voulait en fait lyncher des gars. Pas de bol pour eux, les mecs étaient mieux constitués. L'autre, il prend une danse, il tombe, il meurt. Bon, bah oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je veux dire, c'est pas de sa faute. Je veux dire, bon, bref, bon, voilà. La justice Il avait qu'à extrême écouter gauche. les conseils de Papacito Ah, et mais arrêter de bouffer des exactement. graines. Voilà. Bon, bref, on était dans ce climat-là et ils organisent ce qu'ils avaient présenté comme la grande manifestation pour résister aux idées d'extrême droite. Alors, moi, j'étais très curieux, j'ai suivi tout ça sur les réseaux sociaux. Et alors, pas sur des sites d'extrême droite, hein, des pages d'extrême droite ou réputées de droite, machin. Je suis allé vraiment sur les médias mainstream, presse régionale, etc. Plutôt même de centre-gauche, et j'ai regardé les réactions des gens. Mais je veux dire, ces gens se font quand même insulter cordialement. Je veux dire, la gauche en intégralité, mais insulter quand même. Il faut quand même le mesurer. Donc, je disais au plan électoral, attention pour avoir des surprises si les musulmans votent pour Mélenchon. Mais c'est vrai que dans la population autochtone, la gauche est en train de crever. En train de crever, ni plus ni moins. Donc, au Ah ben total. ça, Mélenchon l'a bien compris, c'est pour ça qu'il s'est lancé dans l'islamo-gauchisme. Totalement, ouais, c'est vrai. Donc là, les chiffres, hein, bon, ça, les chiffres de la police, 9 000 à Paris, 37 000 au total sur toute la France. Bon, comme Mélenchon se prend un peu le bec avec la police, on peut raisonnablement estimer que les flics n'ont pas voulu gonfler excessivement son rassemblement. Donc voilà, donc je suis généreux, j'en mets le double. Hein, donc 70 000 dans toute la France, et on va dire 20 000 à Paris, et je suis vraiment généreux. Mélenchon a revendiqué 150 000. À l'occasion de sa manifestation, il s'est fait enfariner la gueule par un autre youtubeur, décidément. Les youtubeurs maintenant deviennent des acteurs politiques. C'est intéressant. Ben bref, c'était vraiment la semaine de merde pour Mélenchon. Est-ce que vous avez vu sa gueule enfarinée de sale Ouais. con? Je vois pas de quoi Mélenchon se plaint. Hein. Macron, lui, il dit rien, alors qu'il se met dans la farine, il se met de la farine dans le nez tous les jours. On va revenir sur notre séquence après. Mais brièvement là-dessus, il y a un truc que j'aimerais quand même dire, c'est que. Parce que Porovitch disait à un moment donné. Voilà, la droite juive leur en met plein la gueule. C'est un petit peu le retour du Jedi. Je crois qu'effectivement, on est dans ce moment-là où, après 50 ans de marxisme culturel, il y a une fatigue de la population autochtone. Ça ne veut pas dire qu'elle bascule dans le racisme ou le national-socialisme ou le fascisme, c'est pas ça que je dis, hein. Mais il y a quand même une fatigue. Il y a une usure. Du discours de gauche, lénifiant sur la tolérance, l'ouverture des frontières, etc. Ce qui est très drôle parce que les parquets, enfin la magistrature est tenue par des gens de gauche et d'extrême gauche, les médias sont tenus par des gens de gauche et d'extrême gauche, donc ils continuent à essayer de gaver les gens avec leurs impératifs. Tous les jours dans la presse, on a des histoires de migrants miraculeux, il y en a un qui va sauver la gastronomie française. L'autre va sauver la plomberie française, etc. Puis il y a le peuple, et le peuple en a complètement marre, pour des raisons évidentes. Et là-dessus, Mélenchon, qui est juste le versant le plus radical de ça, en fait, que plus personne ne peut blairer chez les Français de souche. Enfin, en tout cas, une majorité de Français de souche ne peut plus saquer, quoi. même chez les électeurs de, Mélenchon, de Macron, je veux dire, hein, chez des gens centristes, pas exaltés, hein, les gens saturent face à lui, hein, je veux dire, lui et son courant, quoi, hein, tout confondu, parce que c'est beaucoup trop déconnecté du réel aujourd'hui. C'est beaucoup trop déconnecté du réel. Les types te parlent de patriarcat blanc oppressif, de racisme systémique, etc. Quand t'as un attentat contre une fliquette, comme à Rambouillet, Mélenchon, il fait un tweet, il parle même pas d'attentat, il connaît même pas le mot, visiblement. Sauf quand Papacito fait une vidéo sur lui, là, tout d'un coup, il redécouvre le sens du mot attentat, il dit, on peut m'assassiner, c'est du terrorisme. Et par contre, la lettre des généraux, il a fait 30 tweets là-dessus. C'est-à-dire, le mec a une diarrhée verbale pour une lettre, une missive de généraux en retraite qui disent en fait ce que tout le monde sait. Et quand t'as une femme flic qui se fait égorger par un bougnoul, Mélenchon est là. Oui, toute ma sympathie aux victimes, tu vois, le truc, mais service. C'est trop. Je veux dire, pour l'opinion, au bout d'un moment, voilà, on dit voilà, non, mais en fait, le mec, il est vraiment du côté des égorgeurs, quoi. C'est un fait, il est du côté des égorgeurs. Et bon. Voilà, je ne crois pas que l'histoire soit très généreuse avec Mélenchon, je pense pas. Je sais pas ce que vous voulez dire. Alors, soit sur la manif, le flop, le fait qu'il se fasse enfariner, ou sur la déchéance de Mélenchon, et le fait que le système, maintenant, lui rentre dans la gueule. Ça par contre, faut pas perdre ça de vue. Hein. Le système, maintenant, lui rentre dans la gueule. Et dans la gauche, d'une manière générale. Hein. On voit bien que là, voilà. Ouais, c'est clair, hein, parce que quand il commence à utiliser du vocabulaire comme complotiste, c'est pas bon. Surtout pour un homme politique comme ça, se faire traiter de complotiste, voilà, quoi. C'est qu'ils sont pas contents. Quand tu dis complotiste à un homme, parce que Mélenchon est quand même député, je crois qu'il est chef de groupe, me semble-t-il, c'est un homme politique quand même qui est blanchi sous le harnais, hein. Il a été sénateur socialiste, député socialiste, il a été ministre, donc c'est quand même quelqu'un du système politique. C'est vrai que quand on leur dit, voilà, complotiste, généralement, hein, c'est les médias juifs, hein, on le sait, hein, qui disent ça, bon, alors, puis là c'était signé cette semaine, je veux dire, ils se sont pas cachés, quoi. Franchement, hein, c'est une mise à l'index, hein, c'est une accusation d'hérésie. On parlait de ça avec le Covid, avec Fulbert un peu avant. Quand t'es un homme politique et t'es accusé de complotisme, c'est vis-à-vis du système, c'est la fin. Hein. Vous avez vu, Raphaël Enthoven a carrément dit « je préfère voter Le Pen que Macron ». Je sais pas si vous avez suivi ça. Mais là, ça lui était reproché d'ailleurs, ouais. Ouais, mais enfin bon, il a dit ça avec beaucoup de précaution, et puis c'était très théorique. C'était pour dire, en fin de compte, je préfère une démago populacière comme Marine Le Pen, mais en fait qui a tout validé, qui est à genoux, qu'un mec comme Mélenchon qui caresse dans le sens du poil les musulmans, y compris les plus radicaux, quoi. Là, tu sens que voilà. Mais c'est Toven qui a dit ça. Ouais, il a dit voilà, à 19h59, si je n'ai que le choix entre Marine Le Pen et Mélenchon. Enfin, alors, tu sais, il met plein de. Voilà. Puis il dit, oui, mais je voterai quand même Marine Le Pen. Ouais, c'est étonnant. Hein. Non, mais tu vois un renversement. Hein. Je veux dire, voilà, il y a un renversement des Juifs, hein, très clairement, hein, très clairement. Hein. Qui disent, voilà, bon, l'extrême droite, oui, il faut surveiller les Blancs, hein, mais attention, les musulmans danger. Parce que ils ont des couteaux, quoi. Voilà. Et en fait, c'est ce qui se passe, hein, voilà. Donc, tout d'un coup, la gauche, qui dit la même chose que ce que tu as toujours dit, je veux dire, SOS Racine de Bernard-Henri Lévy avec le Parti Socialiste, les mecs, ils appelaient à lutter contre le racisme quand t'as des Français qui se faisaient assassiner par des Maghrébins, je veux dire. D'accord. Donc qu'est-ce qui change entre aujourd'hui et les années 70 ou 80? Bah, c'est juste que maintenant, les musulmans, certains musulmans ont envie de manger des juifs. Donc ça crée, comme je dis, un sentiment d'insécurité dans la communauté. Donc là, tu sens que... c'est ce que tu disais un peu pour Ovitch avant. Hein. Tu disais, voilà, la droite juive maintenant a envie de régler des comptes. C'est ça, en fait. Hein. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, enfin, en tout cas, moi je m'en félicite. Hein. Je suis bien content que Mélenchon en prenne quand même plein la gueule. Et l'extrême gauche aussi, par la même occasion. Ces mecs-là ont eu trop d'impunité pendant trop longtemps pour venir pleurer. Parce que les manifestations d'Antifa en concertation avec les préfectures, on connaît. Hein. Donc voilà. Oh, puis les appels au meurtre, les listes de militants, de. de militants à boycotter ou à blacklister, les menaces de ratonnade, etc. Excuse-moi, ils font littéralement depuis plus de 50 ans ce qu'ils veulent. Totalement. Et si l'extrême droite en avait fait la moitié de ça, on serait tous en prison. Hein. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, ils sont plus en odeur de sainteté. On va voir comment tout ça évolue. En attendant, on fait une pause musicale et on se retrouve tout de suite après pour la seconde partie de Démocratie participative. We'll be right back. Alors messieurs, nous revoici pour cette deuxième partie de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode 22. Alors messieurs, parlons un peu de la dictature sanitaire, faisons un peu le point. Cette semaine, chiffre très très intéressant, très détaillé, qui proviennent de la base de données européenne des rapports d'effets indésirables susceptibles d'être liés à l'utilisation de médicaments. Je suis désolé, c'est un peu long. C'est le nom officiel de cette base de données, donc qui est affilié à l'Union européenne. Attention, hein, c'est pas un site privé, c'est tout ce qui est le plus institutionnel, tout ce qui est le plus officiel, et qui fait le point donc sur la situation par rapport aux effets secondaires. Alors, par vaccin. Donc il y en a quatre qui sont nommés. Il y a évidemment Pfizer, AstraZeneca, il y a Moderna et il y a aussi Janssen. Et les chiffres communiqués ne concernent à ce stade que les personnes de plus de 65 ans, je crois, parce que la vaccination était là. Alors maintenant, c'est la vaccination des adultes, tous âges confondus. On va passer même chez les adolescents, vous l'avez entendu, on en a parlé la semaine dernière. Donc là, les chiffres dont je dispose sont des chiffres qui ne s'intéressent qu'aux personnes âgées. Enfin voilà, 65 et plus. Alors, sur Pfizer, on a 212 000 cas de personnes souffrant d'effets secondaires. Et fait très intéressant, 75% de ces effets secondaires ont affecté des femmes. Les femmes sont davantage victimes des effets secondaires. Intéressant à souligner. Alors, ensuite, dans les informations qui sont communiquées, donc ça c'est juste pour Pfizer, hein, dans les chiffres qui sont communiqués, on a le détail, en fait, du type d'effet secondaire. Alors, je ne vais pas tous les citer, hein. Je les ai sous les yeux, là. On a évidemment du cardiaque, on a du congénital, on a les oreilles, larynx aussi, bien sûr, troubles de la vue, intestin, bon, il y a pas mal d'autres choses, problèmes musculaires, etc., etc. Alors, les troubles graves, il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, j'en ai un, là, c'est assez... alors, donc, désordres généraux. Donc ça, c'est une classification qui est à eux. On est sur 40 000 troubles généraux, dysfonctionnements généraux. Problèmes vasculaires très sérieux, très graves, on est sur du 10 000 hein, en Europe. Hein. Ça, c'est juste le vasculaire. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Ils relèvent aussi les troubles psychiatriques. Ça déclenche des crises psychiatriques chez des patients. On est sur des milliers aussi. Troubles du système nerveux graves, on est près de 40 000. Près de 40 000 troubles graves, hein, j'insiste. Hein. Alors les troubles... Les effets secondaires qui ne sont pas graves, il y en a beaucoup plus. Donc c'est 212 000 au total, mais je ne vais pas faire toute la liste, mais on a des gens qui souffrent de troubles cardiaques graves, de troubles nerveux graves, de troubles de la vue graves, de troubles, de respiratoires graves. On parle de gens qui ont 65 ans et plus. Il n'y a pas le nombre de morts, ça c'est juste pour Pfizer, il n'y a pas le nombre de morts, malheureusement, mais imaginez bien que sur des dizaines et des dizaines de milliers de cas graves au niveau respiratoire, cardiaque, il y a forcément des gens qui sont décédés du fait de l'administration de ce vaccin. Hein. Alors combien, mystère et boule de gomme, et les cas graves sont extrêmement nombreux, ce sont des dizaines et des dizaines de milliers juste pour Pfizer. AstraZeneca, on est sur des chiffres... Alors au total, hein, au total, dans l'Union européenne à ce stade, c'est un demi-million d'effets secondaires, au total. Okay. Et Pfizer en concentre énormément. Ouais, 212 000 pour Pfizer, AstraZeneca c'est sensiblement le même chiffre, à peu près 200 000, un peu plus de 200 000 aussi. Les effets secondaires ne touchent pas exactement les personnes de la même façon, mais c'est quand même assez similaire de ce que je vois. Il y a des petites nuances, mais grosso modo ça se décompose après de la même façon. Est-ce que vous voulez réagir là-dessus? C'est des chiffres très officiels, donc à ce stade, la vaccination elle a commencé il y a quelques mois seulement. On est déjà sur un demi-million de personnes dans l'Union européenne qui ont souffert d'effets secondaires, dont des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'effets secondaires graves. Donc on n'est pas sur ce que nous présente la presse, sur un cas suspect, on n'est pas sûr, il est mort comme à Nantes, là, il y a des jeunes qui sont morts comme ça, il y a un jeune qui était mort comme ça, un peu partout. Oui, peut-être quelques jours après, mais c'est pas certain. Attention! Les chiffres dont on dispose aujourd'hui, c'est officiel, des dizaines de milliers de personnes souffrent d'effets secondaires graves après la vaccination. Oui, j'ai envie de compléter ton propos par un rapport qui a été relayé et certifié par Martine Vonner, vous savez, cette députée qui était au tout départ chez Macron, puis qui a quitté l'REM et qui est donc médecin Les psychiatres de formation, et le relais EUDRA Vigilance, qui est également un organe européen officiel, qui lui, par contre, cette fois, s'attarde sur le nombre de morts et qui évoque 13 868 morts. Là, il ne tient pas compte de l'âge, mais voilà. Et donc, 2 848 pour AstraZeneca, 3 822 pour Moderna, 6 732 pour Pfizer-BioNTech. Et 496 pour Johnson, qu'on appelle aussi Johnson & Johnson, qui est beaucoup moins administré, ce qui explique qu'il y a beaucoup moins de morts. Donc on avait dit AstraZeneca pose problème, voilà pourquoi il faudrait peut-être le suspendre, mais on avait dit sous-entendu que Pfizer, ça allait, quoi, c'était bien. Et d'ailleurs, les jeunes de 12-15 ans, ou 12-18 ans, ils vont être vaccinés enfin, dans très peu de temps, là, dans quelques heures, avec Pfizer-BioNTech, donc avec le truc le plus létal. Voilà. Ouais, là, on est juste sur. Oui, les chiffres que j'ai cités, c'est uniquement les personnes de 65 ans et plus. Donc là, on saute dans l'inconnu pour ce qui concerne les adultes et les adolescents. Hein. Là, on n'a aucune idée. Mais sachez que, et ça, c'est définitif aujourd'hui, hein, il y a vraiment un effort médiatique de dissimulation de l'ampleur des conséquences des effets secondaires. Que moi, quand j'ai pris connaissance des chiffres de la base de données européenne, c'était sans commune mesure avec ce que laissait filtrer la presse. La presse, c'est voilà, il y a un cas ici suspect, un cas là, on ne sait pas, c'est pas définitif. Quand vous vous intéressez au volume des personnes concernées, c'est absolument concernable et ça ne serait jamais accepté pour d'autres vaccins. Ça, c'est important à comprendre quand même. Et là, il y a vraiment une omerta. Là, c'est le silence total. On n'en parle pas, quoi. Je veux dire, c'est ahurissant. Je veux dire, vous imaginez, juste sur Pfizer, t'as presque 40 000 personnes qui souffrent de, enfin, sur juste les troubles généraux, t'en as 40 000, et enfin, t'as toute une série de troubles. Enfin, c'est des chiffres considérables. C'est considérable. Et il n'y a aucune discussion là-dessus, pratiquement, enfin, dans les grands médias. Il n'y a rien, quoi. Alors, comment ils dissimulent ça? C'est intéressant. Je me pose la question. Quand les gens décèdent, qu'est-ce qu'ils racontent aux familles? Je me pose la question. Qu'est-ce qu'on leur dit? Ah ouais, non, ils sont morts, on ne sait pas pourquoi. Oui, non. Une détérioration subite de l'état général. Qu'est-ce qu'ils racontent, tu vois? C'est le Covid, comme ça il rajoute le mec dans les stats. Oui, bah disons que là, je parlais avec un de mes amis qui fréquente lui pas mal de gens de par son métier. Bon, je vais pas dire ce que c'est exactement, mais il me dit bon bah je connais deux personnes qui s'étaient décédées du Covid-19 officiellement. Alors il y avait certainement d'autres choses. Ces gens-là étaient âgés, malades. Bon, comme on l'a déjà dit plusieurs fois. Donc ça. Par contre, des gens qui sont morts suite peu de temps après la vaccination, j'en connais au sens large, c'est-à-dire je sais qui c'est et puis ils savaient qui je suis. Bon, cinq qui sont morts après la vaccination. Donc là, on nous avait rabâché les oreilles avec 100 000 morts du Covid-19. Et on nous dit, comme tu l'as rappelé, qu'il y a un ou deux cas par-ci par-là, peut-être liés à un vaccin, mais en fait, c'est beaucoup plus grave. C'est la balance, elle est complètement différente. Hein. Les vaccins sont très nocifs. Et les gens qui sont morts du Covid-19 étaient des gens qui étaient très mal en point déjà avant. Ouais, ils n'ont pas supporté le choc. Il y a des tas de témoignages comme ça en vidéo. Les gens disent la deuxième injection de ce vaccin, ils ont eu des problèmes, quoi. Hein. Il y a des témoignages comme ça là-dessus. Et il faut comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui ont reçu ça dans un hôpital, qui n'étaient pas en bonne santé, qui sont morts. Ils sont morts du vaccin. Et ça, on ne le dit pas. Alors, toi, tu as cité un chiffre. La source, j'ai pas relevé la source, mais t'as dit que c'est entre 13 et 14 000. Bon, bah déjà, ça donne matière à réflexion, quoi. Parce que les 13 ou 14 000, ça concerne que les personnes âgées, parce que je pense au moment où ils étaient décomptés, on était encore sur la vaccination des personnes plus ou moins âgées, quoi. Je veux dire, on n'était pas encore dans la vaccination des jeunes adultes, quoi. Oui, tout à fait. Bah, il y a aussi, donc, j'en avais déjà parlé une fois, quelque chose qui s'appelle le VERS ou VAERS, donc les comment dire vaccination advent event, donc les événements après la vaccination, et donc RS pour reporting system, donc système de report. D'après des gens qui ont aidé à le mettre en place, parce qu'il fallait qu'il y en ait un. Bon, ça existe pas que pour le Covid-19, hein, ça existe depuis 20-30 ans. C'est un docteur allemand qui dit, bon bah oui, ils rapportent certains cas, mais ils en rapportent environ 1% seulement. Et là, officiellement, d'après le Verse, là j'ai reçu une information ce matin, comme quoi aux États-Unis, il y a 5 400 morts officiellement attribuées au Verse. Alors si jamais, peut-être c'est 1%, c'est légèrement exagéré, mais si jamais en réalité il y en a beaucoup plus qui sont morts du Covid, enfin du vaccin, pardon, là on a atteint des chiffres, alors bon, 1 demi-million, ça semble peut-être beaucoup, mais bon. En tout cas, beaucoup de gens souffrent gravement du vaccin. Ou alors, parfois, c'est justement ce qu'on dit des thromboses. Mais les thromboses, c'est donc un phénomène lié à la coagulation du sang. Mais ça peut être une coagulation dans un organe particulier. Par exemple, dans l'oreille. S'il y a une thrombose dans l'oreille, bah, l'organe meurt. Donc, vous pouvez plus entendre d'ici à la fin de votre vie. Et parfois, ça touche des gens qui ont 40 ans. Donc, ça veut dire quand même qu'ils sont arrivés à la moitié de leur vie et que pendant 40 ans, ils vont être sourds. C'est quand même un handicap très, très, très sérieux. Ouais, totalement. Mais déjà, Il y a eu cette vidéo qui a été diffusée où on voyait un pompier témoigner. Il venait d'apporter une personne qui avait fait une thrombose au cerveau, donc un AVC. Il était en larmes et il rapportait ce qu'il venait de discuter avec l'urgentiste parce il lui a posé la question. Mais il y a beaucoup de cas. Il dit oui, il y en a plein. Il y en a très régulièrement. Et cet urgentiste lui disait, mais on fait des retours au niveau des autorités, mais il se passe rien. Voilà. Ouais, il y a plein de choses. Il y a aussi les histoires de fausses couches. On a déjà parlé un petit peu avec des bon. Mais en France, il y avait un médecin qui en a parlé plusieurs fois, qui s'appelle Denis Agret, Agret, qu'on voyait sur Facebook, qui a fait des lives notamment et qui a fait des manifestations en réel également. Bon, je répète, un docteur en médecine, hein, qui parle de ça. Et qui déconseille donc aux femmes enceintes de se faire vacciner, mais aussi aux gens en général. Bon. Et là, il a eu plusieurs gardes à vue. Et là, sa page Facebook vient d'être supprimée, de même que celle de la généticienne Alexandra Orion-Code, qui avait déjà subi la censure, etc. Et qui est quand même une personne renommée dans son domaine. Et page Facebook également supprimée. Ça plus ça plus ça. Bon, ça commence à faire beaucoup, hein, en matière de censure. Hein. Plus Fourtillant qui est en prison, on peut le redire. Qui est en prison et qui est mal en point. On l'a collé dans une cellule avec quelqu'un qui regarde tout le temps la télé très fort. Fortillon est obligé de dormir sur le lit superposé du dessus. Et il n'arrive pas à dormir, il a perdu du poids. Donc bon, là il faut C'est prendre. l'octogénaire, donc voilà. 78 ans. Bah, pour son âge, il était en bonne santé avant que ça se passe. Mais là, si vous voulez, si vous empêchez quelqu'un de dormir, c'est quand même compliqué. Puis c'est volontaire, tout ça c'est fait exprès. Hein. Bon. Oui, voilà, c'est bon. Là, je veux dire, les gens qui sont, ouais, mais non, c'est du délire, complotiste, ils reprennent les mots d'ordre. Là, on a un faisceau d'indices qui est quand même, je veux dire, accablant. Donc là, j'ai donné le nombre d'effets secondaires. La source est officielle, c'est le site spécialisé de l'Union européenne. Donc, ce n'est pas des sources complotistes. Ça, c'est d'une. Ensuite, on voit que les gens qui empêchent de vacciner en rond, avec des arguments qui ont des qualifications dans le domaine médical, sont censurés, comme tu l'as rappelé, ou jetés en prison. Alors Fourtillant, on l'a dit aussi à plusieurs reprises, d'abord tentative de psychiatrisation, qui a avorté, et maintenant emprisonnement pur et simple, donc d'une personne quasi octogénaire, auquel on fait subir en fait une forme de torture par procuration, hein, et c'est voulu. L'objectif du gouvernement français actuellement, c'est très évidemment de le faire mourir en détention. Ni plus ni moins. Hein. C'est vrai, c'est de le casser. Ce sont des méthodes de type soviétique. L'origine du problème, j'en ai longuement parlé. J'ai dit que dans toute cette opération, à chaque fois, à tous les niveaux de responsabilité, on retrouvait des juifs, systématiquement. Je ne vais pas tous les citer, ce serait trop fastidieux. Donc, il y a quand même une marque là aussi. Le silence médiatique sur donc, les problèmes liés à cette vaccination, alors que les données sont disponibles. Bon, tout ça fait quand même beaucoup de choses, beaucoup trop de choses. Et ensuite, vous avez les emails de Fauci, on en a parlé la semaine dernière, où on voit, on le savait, mais où on voit que il y a une concertation très étroite entre Facebook, évidemment YouTube. L'OMS et tous les vaccinateurs en chef pour faire taire les voix discordantes. Donc là, il y a déjà de quoi s'interroger. Je veux dire, voilà, ça ne va pas. ça ne va pas. Et là-dessus, on nous dit qu'on va passer à la vitesse supérieure en termes de vaccination. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je pense que oui. Maintenant, nous voyons intervenir, notamment sur BFM TV, j'ai remarqué que ça concerne beaucoup BFM TV, LCI aussi d'ailleurs. Nous voyons intervenir des professeurs, toujours les mêmes, hein, Gilles Pialou, Delfrécy, ça a d'abord été Delfrécy, donc le chef du gouvernement occulte français, hein, à la tête du conseil scientifique, c'est lui qui décide quand la société a le droit de faire ci ou ça. Bon, c'est des gens qui sont élus par personne, hein, je veux dire, voilà, hein, c'est voilà, et en lien avec Fauci, aux États-Unis. Donc c'est Delfrécy d'abord qui a dit, voilà, la vaccination obligatoire, va falloir y réfléchir, hein. Il nous a parlé aussi de quatrième vague. Karine Lacombe est venue quatrième vague à l'automne. Donc là, on sent qu'on fait peur aux gens. On dit, bah, attention, hein, quatrième vague. Hein, qui dit quatrième vague dit confinement. Et là, la petite musique, c'est donc avec Gilles Pialou, c'est voilà, vaccination obligatoire. Voilà, il est temps de poser le débat. Donc en fait, tout ça, ce sont des comment dire, c'est un exercice très calibré pour préparer l'opinion à la vaccination obligatoire. Et pour intimider, donc il y a deux éléments. D'abord, on fait peur aux gens de quatrième vague, attention. Et les gens, en fait, n'ont pas peur de mourir, sauf peut-être les vieux. Mais les gens qui ont 20 ans, 30 ans, ils n'ont pas peur de mourir. Ce qui les emmerde, c'est le confinement. C'est ça qu'ils redoutent. Et c'est ça qu'ils nous disent. Et là, quatrième vague, confinement. Attention, hein, voilà, et hop, vaccination obligatoire. Donc, on voit bien la carotte, le gourdin. Il dit attention, hein, si on ne suit pas la vaccination, vous ne pourrez pas retrouver vos copains pour boire un verre. Voilà, c'est toujours le même truc. Alors, je vous dis, je vous livre cette déclaration de Macron qui confirme, hein, tout ce que je viens de dire. C'est pas très long. C'est cité par Femme Actuelle, d'ailleurs, c'est intéressant. Alors qu'Emmanuel Macron était farouchement contre l'obligation de la vaccination contre le Covid-19, on apprend dans Le Parisien en kiosque le samedi 12 juin 2021 que désormais c'est une piste qui n'est plus écartée. Bientôt tous vaccinés, qu'on le souhaite ou pas, question. Alors que la campagne de vaccination contre le Covid-19 n'a eu de cesse de s'accélérer au printemps 2021, on a noté des pics à 750 000 injections par jour, au printemps, quoi. Il se pourrait qu'un plafond de verre viennent ralentir les objectifs annoncés par l'Élysée. Une source gouvernementale affirmait même, dans Le Parisien en kiosque le samedi donc 12 juin 2021, les craintes de l'exécutif de connaître les mêmes ralentissements qu'aux États-Unis. On est encore dans les couches molles, on va entrer dans les couches dures. La faute aux anti-vaccins qui, une fois passé la barrière des 60 à 70% de vaccinés en France, aura du mal à se faire convaincre. Pour éviter ce rebondissement, le gouvernement réfléchit donc à de nouvelles stratégies. Une nouvelle campagne de publicité, des appels de la campagne nationale d'assurance maladie, jusqu'à rendre la vaccination obligatoire. Question. On ne s'interdit rien, estimerait le gouvernement face à cette nouvelle règle, soulignent nos confrères. Un véritable revirement de situation, note Femme Actuelle. Donc en effet, le 24 novembre 2020, lors de son allocution en français, Emmanuel Macron écartait totalement cette hypothèse. La vaccination doit se faire de manière claire, transparente, en partageant à chaque étape toutes les informations, ce que nous savons, comme ce que nous ne savons pas. Je veux être clair, je ne rendrai pas la vaccination obligatoire, avait-il lancé. Même lors de son déplacement tout récent dans le Lot, Emmanuel Macron semblait encore opposé à cette hypothèse. Pour les Françaises et les Français, quand quelque chose est obligatoire, ça déploie des anticorps. Les gens, quand on leur laisse la liberté, on les convainc, avait-il assuré au Badaud présent le 3 juin. Comment les Français accueilleront-ils ce nouveau revirement s'il venait à être adopté, alors que beaucoup espèrent voir arriver, avec la fin de l'été, du port obligatoire, du masque en extérieur, question de Femme Actuelle. Alors voilà, donc la situation change. En fait, moi je pense, hein, ça n'est que mon avis, mais je pense que tout ça a été scénarisé. Évidemment, ils n'ont pas voulu d'emblée mobiliser le front des gens qui refusent d'être vaccinés comme du bétail. Donc, ils ont joué cette petite musique de la liberté, du respect des choix, etc., des individus. Bon, maintenant qu'ils en ont vacciné, je crois, 30 millions, voilà, ils disent, on rentre dans le dur, il va falloir écraser tout le monde. Et là, tout d'un coup, ah, oui, bah, finalement, pourquoi pas, voilà, alors... Voilà, c'est clair, hein, le gouvernement veut vacciner d'autorité tout le monde. J'avais dit que la question, ces dernières semaines, j'avais dit que c'était ça qui était très intéressant, combien de gens refusaient de se faire vacciner, que c'était là-dessus qu'on allait pouvoir voir la suite, quoi, réfléchir à la suite. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Et vous êtes concerné au premier chef, hein, forcément. Hein, je veux dire, s'ils veulent vacciner tout le monde de force, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y aura quelque chose qui va jouer autour des écoles. Donc le 15 juin devient possible la vaccination des adolescents, 12-18 ans. Mais c'est pas moi qui ai fait cette réflexion. Tout seigneur, tout honneur, c'est Jean-Jacques Crèvecœur, qui vous suivez peut-être, qui avait fait ce lien possible. Il a dit, bon, on commence à vacciner les adolescents. Par ailleurs, on sait que l'école à la maison devient quasiment impossible. C'était en France sous des prétextes de lutte contre le séparatisme musulman. Ça rendait plus difficile de faire les cours à la maison, qu'on en soit musulman ou qu'on soit catholique ou athée ou que sais-je. Bon. Donc, et ce qui va peut-être se produire, c'est que la rentrée de septembre, on va dire, OK, on accepte vos enfants pour être collégiens, lycéens, mais à condition qu'ils soient vaccinés, sachant que les parents même ne pourraient même pas retirer leurs enfants parce que s'ils retiraient, parce qu'ils ne peuvent pas faire l'école à la maison. Donc ils seraient de toute façon forcés et contraints de mettre leurs enfants à l'école et de les faire vacciner. Mais toi, en ce qui te concerne, quand tu perçois la vaccination obligatoire, ce projet de vaccination obligatoire? Des gens qui refusent de se vacciner, parce que c'est ça. On ne sait pas, hein, combien de personnes sont concernées en pratique. Est-ce que c'est 20 millions? Est-ce que c'est 10 millions de personnes qui refusent en conscience de se faire vacciner? J'ai vu des sondages qui tendent à... ils parlent de 20%, enfin tout ça est encore assez flou, mais on serait aux alentours de 10 voire 15 millions de personnes qui vraiment ne veulent pas se faire vacciner. Difficile à déterminer. Comment tu vois les choses? Je connais des gens qui sont rétifs à l'idée de se faire vacciner, parce qu'on ne connaît pas les effets à long terme. Mais après, il est difficile d'évaluer en matière de proportion. Je ne sais pas si les autres ont d'autres avis là-dessus. Moi, je dirais parmi ceux qui ne le sont pas encore, je dirais qu'il y en a peut-être un peu plus que de la moitié que je connais qui sont vraiment réticents, quoi. Maintenant, est-ce que si jamais on leur disait « Oui, mais attendez, mais si vous faites pas vacciner, vous n'aurez plus de métier, vous n'aurez plus rien », je ne sais pas comment il réagirait, hein, donc à voir. Fubert ou Porovitch sur la vaccination obligatoire? S'ils la rendent obligatoire, ça va être très difficile. On parle de bloquer les comptes bancaires, on parle de éventuellement vous faire virer, etc. Je ne sais pas comment les gens individuellement pourront résister, ça sera très compliqué. Moi-même, je ne sais pas ce que je ferai. Je sais que je vais attendre le plus longtemps possible. Qu'il faudra vraiment rendre obligatoire s'ils veulent que je me vaccine. Mais si on en vient là, honnêtement, je ne sais pas ce que je pourrais faire. Une petite info en passant. Lorsque, il y a environ une semaine en Belgique, on a fait un sondage pour voir les gens qui ne souhaitaient pas se faire vacciner. Et ça a été un peu surprenant. En Flandre, il y a environ 20% des gens qui ne veulent pas du vaccin. Et la surprise vient de la Wallonie, où il y a presque le double. 38% des gens ne voudraient pas se faire vacciner. Et est-ce que tu... Je pense qu'on pourrait peut-être faire un parallèle entre le pourcentage wallon et le possible pourcentage français. En tout cas, on sent qu'il y a quand même un vrai courant d'opposition à la vaccination. Ça, c'est la note positive. Je veux dire, ça ne concerne pas à ce stade, dans l'opinion, 5% des gens. Hein. C'est quand même beaucoup plus significatif que ça. Maintenant, on est encore, on ne sait pas exactement combien de personnes ça concerne. On va voir. Alors, Florian Philippot a fait une vidéo récente sur un rapport sénatorial qui vient de paraître sur la question de l'utilisation des nouvelles technologies pour restructurer la société conformément aux normes sanitaires, au moins pour commencer. Et il en parle, sa vidéo est intéressante, c'est une synthèse, ça fait un quart d'heure, donc ça, on survole ça assez rapidement, c'est un rapport qui fait environ 140 pages, et donc c'est fait par trois sénateurs, il y a un sénateur je crois de gauche, et il y a deux sénateurs les Républicains. Et alors il y a toute une série de propositions. Alors ce que ces gens demandent, dans ce rapport, c'est des mesures pratiques, hein, c'est des mesures concrètes. Hein. Ce qu'il demande, c'est véritablement l'instauration du modèle de société qui était décrite à Davos par des gens comme Karl Schwab, celle aussi qui a été dessinée par des gens comme Bill Gates, etc. Voilà, il n'y a pas de mystère, tout est en ordre, on voit bien que le plan se poursuit. Alors, parmi les propositions de ces gens, c'est plus que des propositions, vu la façon dont c'est écrit, dont c'est formulé, hein. C'est plutôt une injonction, quoi. Que demande le Sénat ? Alors, le bracelet électronique pour placer les gens en quarantaine. Donc c'est non seulement une assignation à résidence, mais une assignation à résidence où vous pouvez être suivi en temps réel. Ça, c'est le bracelet électrique. Passeport sanitaire, il est déjà en place, mais ce passeport sanitaire se couplerait, serait associé à une carte d'identité numérique globale européenne, dans laquelle toutes les informations disponibles sur vous seraient synthétisées. Donc, les services sociaux communiqueraient toutes vos informations, les services de santé communiqueraient toutes vos informations, bien sûr. Il y a toute une série d'informations qui vous concernent, notamment les métadonnées qui peuvent être collectées par des entreprises privées spécialisées, etc. Donc vraiment, c'est une carte digitale où il y aurait tout sur vous. Ça serait couplé au passeport sanitaire. Donc une carte d'identité digitale sans laquelle vous ne pouvez pas circuler. Et il y a toutes vos informations. Il n'y a pas juste votre nom, votre date de naissance, il y a tout sur vous. Ce qui demande aussi, c'est l'internement à domicile d'autorité. Bon, ça, déjà, c'était bien avancé. Alors, des amendes extrêmement dissuasives en cas de refus de vaccination. C'est 60 000 euros en Espagne. Donc, ça se rapproche. Donc, ça, j'ai dit, hein, évidemment, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour collecter les données, ça, c'est évident. L'utilisation de caméras thermiques dans les lieux publics, notamment les restaurants, pour détecter si vous êtes soi-disant malade ou pas malade, si vous dissimulez un état infectieux ou pas. En gros, si vous avez de la fièvre. Bon, vous pouvez avoir de la fièvre parce que vous avez une gastro-entérite. Vous pouvez avoir de la fièvre pour des tas de raisons. Voilà. Mais ils veulent mettre des caméras thermiques partout pour suivre les gens partout. C'est ahurissant, mais c'est vrai. Reconnaissance faciale. Alors là, on veut basculer dans le système aussi de type chinois où il y a des caméras absolument partout. Partout. Et on peut vous suivre en temps réel et en toutes circonstances. Le prétexte, le masque. Il faut vérifier si vous portez le masque. Donc voilà, caméra thermique, reconnaissance faciale dans tous les lieux publics. Ils assument dans le rapport le terme d'intrusion. Ils disent, voilà, il faut assumer l'intrusion dans la vie privée des gens, d'accord, pour sauver la liberté. Dixit, hein. Ils disent en gros, il faut que les gens acceptent de perdre leur liberté, de perdre leur liberté au pluriel, pour sauver la liberté. Dixit. C'est textuel, c'est orwellien, ce rapport. Donc, en cas de problème, c'est-à-dire si jamais vous êtes un opposant, si vous êtes un rebelle au nouvel ordre sanitaire ou climato-sanitaire voulu par Davos, ce qui prévoit, il y a toute une batterie de représailles, mais notamment de vous priver de votre titre de transport. Je vous ai dit que le passeport sanitaire serait couplé à une espèce de carte d'identité digitale où il y a toutes vos informations sur vous. Il y aurait aussi vos titres de transport. C'est-à-dire que sans votre document, vous ne pourrez pas prendre un bus, par exemple, ou un train. Eh bien, ils veulent pouvoir, grâce à un système centralisé, suspendre la validité de votre titre de transport. Impossible pour vous de prendre un bus, un train. Voilà. Et il y a également ce qui est prévu, pour Robert, on en a un peu parlé aussi, fermeture des comptes bancaires, en cas de non-respect de la quarantaine. Donc vous êtes chez vous avec votre bracelet électronique, si vous essayez de sortir, vous voyez, on suspend vos comptes bancaires. Vous pouvez aller nulle part, en fait. Vous pouvez, voilà. Il y a aussi le suivi en temps réel. Je ne plaisante pas. Hein. Le suivi en temps réel des plaques d'immatriculation des véhicules. C'est-à-dire que les voitures doivent pouvoir être surveillées en temps réel partout. D'accord ? Associées à votre carte d'identité digitale. Hein. Donc, c'est la surveillance généralisée. La possibilité pour l'État de vous assigner à résidence quand il le souhaite, avec toute une batterie de représailles si jamais vous essayez de vous défiler. Mais virtuellement, au-delà de la dissuasion, ce qu'ils veulent pouvoir faire, c'est de vous empêcher d'aller nulle part. En fait, vous ne pouvez pas prendre un transport collectif, pouvez pas utiliser une carte bancaire. Vous êtes reconnu facialement partout. Voilà. En fait, vous ne, même si vous refusez de jouer le jeu, ils veulent un système où partout vous êtes surveillé. Alors ça, c'est le rapport du Sénat. D'accord ? C'est un rapport sénatorial. C'est pas une déclaration, une interview. Hein. C'est un truc officiel, ça vient d'être publié. Florent Philippot vient d'en parler. Je précise à toutes fins utiles que vous savez, bien sûr, qui veut diriger un tel système. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus, sur ce projet ? Ça, c'est le projet de société qui est... En gros, il ne s'est pas dit comme ça, mais c'est le projet pour la société française pour les années à venir. C'est ça qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez me dire là-dessus ? On reste sans voix. Hein. Je veux dire, là, c'est le totalitarisme le plus total. C'est vraiment énorme. Bon, on avait dit il y a longtemps déjà, il y a plus d'un an, que cette pandémie ou prétendue pandémie était l'occasion sans doute pour les forces mondialistes de mettre en place un certain nombre de choses. Puis après, il y a eu aussi Klaus Schwab qui a sorti son livre Le Grand Reset, donc abolition de la propriété individuelle et tout ça. Puis là, on voit que c'est pas seulement un livre ou pas seulement un vieil allemand qui parle. C'est aussi les gouvernants qui, pas à pas, mettent en place ce qu'il y a dans ces livres ou qui appliquent les recommandations très rigoureusement de Bill Gates, de Mark Zuckerberg et tout ça. C'est effrayant, mais oui, nous y sommes et nous y allons à grands pas avec des gens de gauche comme des gens de droite. Hein, les sénateurs de gauche, de droite, bon là, il n'y a pas l'opposition, non, ça ne parle pas finalement. Oui, il n'y a pas d'opposition là, hein. On n'entend pas parler de ça, il n'y a pas de... Non. Il y a un article là de Next Impact que tu as cité. Est-ce que tu l'as un peu parcouru ? Est-ce que tu peux en dire un peu plus, Alexis ? Oui, Next Impact, donc Next comme en anglais, prochain. Puis après, Impact avec IN, par exemple, PACT. Oui, j'ai regardé un petit peu. Alors, disons que ça reprend. Bon, il y a des parties un petit peu techniques. Bon, disons que. Les données seraient, oui, facilement consultables. Elles ne seraient pas cryptées, parce qu'à un moment donné, ce qui avait été envisagé, c'est de montrer ces données médicales, ces propres données médicales, quand on est véritablement obligé. Par exemple, quand vous prenez l'avion pour être amené à aller dans un pays où on a besoin de telle chose, bon, du tel vaccin ou autre. Dans ce cas-là, on aurait pu imaginer un système de cryptage, mais là, apparemment, ce ne sera pas crypté, ce qui fait que, en gros, quelqu'un qui consulte votre identité, parce qu'il en a la possibilité, eh bien, il peut aussi voir ce que vous avez fait comme vaccin, quelle dose, bon. C'est assez incroyable. Alors que jusqu'à présent, le côté privé des données était un, comment dire, le principe aussi du secret médical, c'est quelque chose d'important en France, de même que la loi Kouchner, ironiquement, qui s'appelle Kouchner, parce que Bernard Kouchner était le ministre de la Santé, au moment où on a voté une loi pour dire on a le droit de refuser un traitement, on a le droit de refuser un vaccin, on a le droit de refuser même un test. Et là, ces principes qui existent quand même dans le droit français seraient complètement battus en brèche par ce genre de projet. Quelqu'un d'autre sur cette mise en place là de... Alors pour l'instant, c'est un rapport, hein. Il n'est pas encore. Mais on voit que ça se fait petit à petit, c'est-à-dire que ça converge vers un même point, mais c'est fait une initiative à la fois. Donc c'est le passeport sanitaire au départ, rappelez-vous, hein, il y a 6 mois, quand ils ont fait. Quand ils ont suggéré l'idée, ils ont dit non, mais c'est pas vrai en fait, non, c'était juste une idée comme ça et tout. Il y avait eu un cri d'orfraie, j'avais dit aussi à cette occasion-là que c'était la façon dont ils habituaient l'opinion publique avec des ballons d'essai à accepter leurs décisions. Donc voilà, ils sont revenus à la charge 2 mois après et voilà, aujourd'hui, au mois de juin, il est appliqué. Donc en fait, dès l'origine, il était prévu. Voilà, donc c'était pas une idée, c'était une décision. Mais on a forcé le public à l'accepter. C'est là aussi qu'on voit l'inanité de la démocratie. C'est-à-dire, clairement, le bétail suit point barre, quoi. Ni plus ni moins. Hein. Les décisions sont prises bien en amont. Et donc voilà, le passeport sanitaire est en place. Là, on parle de bracelet électronique, et toute une série d'autres dispositifs. Donc ça ne se fait pas en un jour. Mais disons que c'est un plan. On nous dit, voilà le plan général. Il faut le faire valider. Moi, en l'état actuel de la situation, je ne vois pas quelle force politique s'opposerait à ce rapport sénatorial. Je ne vois pas qui va dire non, c'est scandaleux, c'est inacceptable. Je veux dire, qui pèse politiquement, grosso modo, tous les partis vont dire d'accord, sauf peut-être quelques points de détail, mais sinon le reste, ils seront d'accord pour tout. Donc on sait à peu près vers quoi on va. Donc, carte digitale unique pour tout le monde, dans tout le système européen. avec toutes les informations possibles et imaginables disponibles sur, sur cette carte, mais tout. Voilà. Il est évident qu'ils vont associer à ça, au bout d'un moment, les données que les entreprises spécialisées dans le digital que l'Union européenne ou que l'État français va payer pour ça vont aussi transmettre des données de navigation, que sais-je. Enfin, il y aura vraiment tout sur vous, et ils sauront tout en permanence sur vous, ainsi que votre localisation. Enfin, ça y est, on y est, c'est le crédit social. Voilà, en gros, c'est ça, c'est le crédit social. C'est le crédit social, on y est. On y rentre là, voilà. On y rentre. Là, c'est un choix existentiel. Pour moi, c'est existentiel. C'est, voilà, enfin, si. Parce qu'ensuite, les gens pourront plus faire machine arrière, je veux dire. Ce sera plus possible, quoi. Je veux dire, à partir du moment où on peut vous débrancher bancairement, on peut. C'est fini, quoi. Je veux dire, là, c'est. Les gens qui refuseront seront obligés de faire des choix radicaux d'existence, quoi. Voilà. Ça me paraît clair. En tout cas, si on installe ce fameux pass sanitaire, c'est la destruction des accords de Schengen et de l'espace Schengen, fatalement. Ça va même plus loin, donc on n'aura plus la liberté de déplacer les biens et les personnes, comme on dit, et ça ira même plus loin, puisque on envisage et on met déjà en place des cartes qui déterminent que telle ou telle région sont plus ou moins contaminées et pour lesquelles il faudra des règles particulières pour se rendre ou en sortir. Ouais, à coupler aussi avec le projet espagnol d'interdire la voiture particulière, la voiture privée, au nom du... Parce qu'on avait expliqué ça très vite, hein, que toutes les mesures d'urgence sanitaire, donc l'abolition de la liberté au titre de l'urgence sanitaire, seraient progressivement amalgamées avec des mesures d'urgence promulguées au titre de l'état d'urgence climatique. J'avais expliqué que c'était simplement la mise au pas de la société pour l'envoyer vers une réduction radicale de son niveau de vie. C'est ce que j'avais expliqué en gros. Donc, excuse sanitaire, excuse climatique, au final, baisse drastique du niveau de vie et encadrement autoritaire de la société. C'est ce que j'avais expliqué. Donc, quand vous regardez ce qui se passe en Espagne, bon, plus de voitures privées. Bon, déjà, vous pouvez, à part un vélo peut-être, et encore, ils vont peut-être même interdire les vélos. Ils vont peut-être dire que ça fait monter la température, je ne sais pas. Mais voilà, voiture privée interdite et logement personnel interdit. C'est des logements collectifs qui seraient contrôlés évidemment par l'État. Bon, bah, je ne sais pas ce qu'il faut aux gens, quoi. Je veux dire, là, c'est clair, le projet est absolument clair. Donc, la propriété, le projet de ces gens-là est d'abolir toute forme de liberté. Vraiment, c'est ça leur projet. Ce que j'appelle, moi, les libertés anthropologiques, les libertés naturelles. Donc, droit de propriété aboli. Droit de se déplacer librement, aboli. Droit de rencontrer d'autres personnes librement, aboli. Droit de s'exprimer librement sur tous les sujets. Bon, ça fait déjà longtemps qu'il est très malmené, voire quasiment suspendu. Bon, alors là, couplé avec l'intelligence artificielle et les mesures de rétorsion prévues au plan financier et autres, vous avez compris que là, on va aussi dans la même direction. Moi, je suis désolé, c'est le soviétisme. Là, c'est pas trop fort. Là, quand on parle d'Union soviétique, c'est pas un terme excessif ou polémique. Le projet que ces gens défendent, c'est l'instauration de la soviétisation de la société. Alors, j'ai l'impression que les gens ne comprennent pas. J'avais dit qu'ils avaient de la bouillie dans la cervelle. Enfin, ils avaient de la bouillie à la place de la cervelle. Je suis conforté là-dedans. Il y a 30 millions au moins de zombies qui sont faits. Vaccinés, bon ben eux c'est des zombies, donc il n'y a rien à faire, ils sont vaccinés, ils sont perdus. Ils accepteront tout le reste, je veux dire. Voilà. On leur racontera encore d'autres trucs, ils vont accepter. Maintenant, la question c'est ceux qui vont refuser, combien seront-ils ? Et est-ce qu'on va pouvoir monter une véritable résistance active au point de faire dérailler le projet ? Ça c'est la grande question. Mais là c'est existentiel, hein, je veux dire. Si ces gens parviennent à leur fin, dans 5 ans, on est en Union soviétique. On est en Union soviétique. Même pire, parce que je fais le pari que dans ce système où on ne pourra pas sortir sans que ta plaque soit flashée, que ton visage soit flashé, que tes entrées dans les magasins soient flashées à tout moment, je suis sûr que Mohamed pourra continuer à les dealer du shit et à poignarder Jean-Francis. C'est ça le pire. Oui, ça fait partie du truc. Ça fait partie du truc. Parce que hein, l'anarcho-tyrannie. Hein. Oui, c'est ça. Et puis le grand emplacement est prévu dans le projet. Donc tu es censé être assigné à résidence et coexister avec des sauvages du tiers-monde qui peuvent t'assassiner à tout moment. Et la police dit bah, excusez-nous, monsieur, on n'a pas le temps. Tu vois, on pourra pas les retrouver, quoi. Mais toi, par contre, on saura exactement retracer ton emploi du temps de la journée, que toi-même, d'ailleurs, tu t'en souviendras pas, point par point, heure par heure. Exactement. Et on pourra pas retrouver le mec qui t'a défoncé le crâne à coups de pied. C'est ça. Ouais, j'avais parlé une fois de Bruno Riondel, là, je répète, enfin, j'appelle de nouveau son nom, R-I-O-N-D-E-L, il avait fait une vidéo, alors, qui est sur Odyssée, pour montrer les liens qui existent entre le communisme, qui est sa spécialité, communisme historique, et la situation actuelle, le Covid-19. Il y en a aussi une autre qui est sur YouTube, une autre de ses conférences qui n'a pas encore sauté, qui s'appelle D'octobre 1917 au Grand Reset. Et en fait, il a bien montré que derrière l'opposition, hein, dont on nous a rabattu les oreilles pendant la prétendue opposition USA capitaliste contre l'URSS communiste, en réalité, il y avait, bon, c'est lié aussi à une certaine communauté qui était prédominante dans les deux pays, il y avait un certain nombre d'affinités, il y avait des gens qui passaient d'un pays à l'autre, où Léon Trotsky, par exemple, anarchiste prétendument sur le papier, ministre de l'armée rouge, etc., qui était en réalité pendant très longtemps à New York, choyé par ses coreligionnaires, milliardaires, etc. Donc, et en fait, il dit que le Grand Reset est un peu la fusion, quelque part, de ce qu'il y a de pire dans ce qu'il y a eu dans le capitalisme, c'est-à-dire le règne d'une plutocratie, le règne de l'argent par des grands oligarques. Et puis la suppression totale de nos libertés, comme on l'a vu dans le communisme historique, voilà. Et la Chine, d'une certaine manière, même si elle est performante économiquement, avait déjà, par le biais du contrôle social, déjà annoncé d'une certaine manière la couleur, puisque c'était aussi un pays qui sur le papier est communiste, mais qui en réalité, dans les faits, a beaucoup d'aspects capitalistes, qui n'est pas toute forme capitaliste n'est pas négative à mon avis, mais en tout cas, nous, on va avoir le pire, des deux systèmes, quoi, je pense. En tout cas, on avait été prévenu, hein, il y avait rappelez-vous, un dissident soviétique, là, Vladimir Boukovski, qui avait fait une vidéo, c'était en 2005, où il prévenait les Européens que lui, dans son passé soviétique, il avait vécu dans notre futur. Autrement dit, il nous prévenait que l'Union européenne se transformait en Union soviétique. Progressivement. Il est décédé en 2019, mais bon, sa vidéo court toujours sur YouTube, je pense. Oui, tout à fait. Enfin, on peut citer aussi cette réaction absolument incroyable à Roland Garros, enfin incroyable, entre guillemets, où le public, alors vous savez qu'il y a un couvre-feu qui a été repoussé à 23h, et Roland Garros se déroule en ce moment même, il y avait un match, et donc il y avait tout le gratin parisien, évidemment, pro-Macron, qui a bénéficié d'un passe-droit parce que le couvre-feu ne leur a pas été appliqué pour que le match puisse se dérouler. On écoute leur réaction et on se retrouve. Réaction très intéressante à mettre en vis-à-vis avec celle de Damien Tarel, hein. Donc là, c'est le négatif, hein. C'est vraiment toute la foule, donc des bobos, ou des boomers friqués de Paris qui remercient Macron, vraiment en hurlant merci Macron d'avoir repoussé le couvre-feu pour qu'on puisse voir le match. Donc ça, c'est des gens qui sont à fond pour le nouvel ordre sanitaire. Enfin, ils sont à fond derrière le régime, voilà, ils achètent, ils soutiennent. Comment réagissez-vous à cette vision-là, de ces gens-là, de leur attitude, vous voyez, de espèce d'hystérie collective comme ça. Écoute, ces gens-là sont dans les pertes, tu vois, comme dirait l'autre. Vraiment, ils sont perdus pour l'humanité, perdus à jamais. Hein. Mais ça fait des années que moi je le dis partout, je le dis dans l'émission, je le dis autour de moi. Il y a une partie de la population qui est mûre pour l'esclavage. Vraiment, l'esclavage dur, comme on se l'imagine, parce que la réalité historique, c'était autre chose. Vraiment, le truc, le zombie, le mec, ah, ils sont prêts. Quoi. Bah, ceux-là, ils sont très, très prêts. Quoi. C'est waouh. C'est une scène assez incroyable. Fulberne. J'ai un certain souvenir. Dans le passé, je regardais les matchs de tennis. Par chauvinisme, parce qu'il y avait deux champions en Belgique qui cassaient la baraque. Et il m'est arrivé donc de regarder de façon plus appuyée qu'aujourd'hui. Et le caméraman, du moins je parle ici pour principalement pour Roland Garros, le caméraman faisait des balayages par moment dans le public. Vous savez, lorsque les joueurs ont un temps de pause ou quelque chose comme ça, ou qu'il y a un arrêt de jeu, on voyait la caméra, on voyait les gens, le public qui assistait au match. Et le caméraman s'arrêtait régulièrement sur des individus qui étaient des gens connus, des acteurs, des actrices, des chanteurs, etc., etc. En fait, que retrouve-t-on dans ces gens qui assistent au match, je ne dis pas la totalité, au moins, plus on se rapproche de la finale, évidemment, et plus ils sont, à mon avis, proportionnellement nombreux. Et ce sont des comment dirais-je, des gens qui appartiennent à une catégorie de particuliers, qui sont des notoriétés, des gens qui ont des intérêts finalement convergents avec ceux de la caste politique, qu'elle soit française ou autre. Parce que moi, je vise toujours un peu les castes politiques nationales de l'Europe de l'Ouest comme étant franchement des parasites organisés. Et là, on retrouve les parasites secondaires, ceux qui profitent de la politique de la caste en place. Ce sont, je ne vais pas dire des apparatchiks, non, ce sont leurs courtisans, mais ces gens n'ont pas les mêmes intérêts que la population, ils n'ont pas les mêmes intérêts que tout. Et donc, pour eux, Macron, bon, ben, c'est la source, quoi. C'est des nantis, c'est des gros bourgeois, ce sont les 5% de la population qui votent pour Macron et qui le font passer au second tour. Il y en a plus que 5%, hein. Bah, il fait 19% des gens qui ont exprimé des suffrages, mais sur toute la population française. Bah, il a eu 20 millions de votes, quoi. 20 millions de votes au deuxième tour de la présidentielle, mais. On est 6 millions, hein, donc voilà, quoi. C'est un tiers, à peu près. Oui, puis à Roland-Garros, ça a été testé aussi le pass sanitaire, c'est vrai. Et en fait, les gens ont dû montrer un test négatif. Ils ont dû alors qu'il fait chaud en ce moment, ils ont dû porter un masque, malgré tout, en extérieur. Voilà, donc il y a un côté moutonnier. Hein. Bon, après, c'est des gens qui s'en sortent bien, donc bah, tant mieux pour eux. Hein. Mais bon, après, il n'y a pas que l'argent dans la vie. Hein. L'URD est aussi bête. Bon, j'ai pas envie d'être. Je préfère être un peu plus pauvre et d'être un peu moins bête, enfin, en tout cas. Mais ironie du sort, celui qui a gagné Roland-Garros cette année, Djokovic, donc, s'est exprimé publiquement contre la vaccination obligatoire en disant que ça ne devait pas devenir obligatoire. Voilà. Bon. On ne sauvera pas tout le monde. Vous inquiétez pas, on va lui mettre un petit coup de pression et il dira l'inverse la semaine prochaine. Ouais, on va enlever ses enfants. tu vois, c'est ça. Non, juste un coup de téléphone de ses sponsors. Oui, c'est vrai, souvent ça suffit, c'est juste, ouais. C'est juste. Bon, messieurs, je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine. À la semaine prochaine.